continue notre marathon des 40 heures sur Fadjet. On vous le rappelle, 40 heures de direct pour fêter les 40 ans de notre petite radio associative. Et on en est à la 17e heure déjà de direct. Plein de gens qui sont passés dans nos studios, des institutionnels, des gens qui nous soutiennent, des partenaires. Et je suis ravie de vous retrouver à l'antenne. Donc je suis Fabienne, la directrice de Fadjet. C'est vrai que je suis peu souvent derrière le micro. Et là, bah, pour l'occasion, vraiment, c'est l'occasion de vous retrouver en direct à l'antenne, en compagnie d'Edith. Et là, ça me fait encore plus plaisir d'être dans ce studio avec elle, parce que Edith a été et est toujours un petit peu plus à distance, mais un vrai pilier de Fadjet. En deux mots, Edith, eh ben, tu peux écoute, te présenter ta longue histoire avec Fadjet. Oula, le plaisir est partagé, en tout cas. Et alors, la longue histoire, je suis arrivée On n'a pas le temps. On a que deux heures. Eh bien, écoute, c'est à Fadjet que j'ai rencontré Yves, qui est devenu que mon mari. Que vous venez d'entendre. Déjà, donc, voilà. Non, je suis arrivée en 90, peut-être même un petit peu avant. J'étais lycéenne à l'époque pour les aumôneries. Et puis, j'ai commencé à faire de la radio un peu après. D'abord, la matinale. J'ai fait la toute première de 94 de service compris, c'était un 16 septembre. Je le sais parce que c'était ma fête et il n'y a jamais eu autant de monde qui souhaitait ma fête. Oh bah comme quoi, la radio sert aussi à ça, c'est merveilleux. C'est une radio qui m'a appris à déjà m'ouvrir à plein, enfin à parler et à prendre confiance et à m'ouvrir à plein de sujets, parce que j'ai d'abord fait une émission de poésie avec une copine de fac, donc Petit Pot et Grandes Oreilles, une émission de sport avec mon frère de sport et d'eau fraîche, une émission d'histoire avec Yves Bulle d'Histoire, une autre chronique d'histoire, le mystère de les énigmes de l'histoire, et puis une émission pendant très longtemps de bande dessinée avec mon frère aussi. Voilà. Et puis surtout plein de bénévolat aussi à Fadjet, membre du CA Fadjet. À partir de 93, j'ai été au CA de Fadjet, j'ai quitté en 2021, donc j'ai calculé 2021, ouais, j'ai 28 ans de CA. 28 ans de CA, ça compte. Voilà, donc c'est vrai que c'est une grande histoire, une maison que j'ai beaucoup aimée et que j'aime toujours beaucoup, même si effectivement j'ai pris un petit peu de distance. Et alors, là, ça fait je sais pas combien de temps que j'ai pas fait de radio, donc ça me fait super plaisir d'être là avec toi. Et ben alors, et avec vous tous. Voilà, exactement. Parce qu'on a plein de gens dans le studio. On va faire un petit peu studio ouvert ce matin. On accueille des gens très très différents. Donc on accueille Cyril qui va nous présenter un petit peu le fort de Villers-le-Sec. Bonjour. Qui est un de nos partenaires. Voilà, voilà aussi du côté radio. On a Valérie Jurin qui est présidente du CIDFF, un partenaire de longue date aussi. Tout à fait. On a Jean-Baptiste qui est venu ce matin visiter la radio dans le cadre de notre journée portes ouvertes, parce qu'on vous le rappelle, jusqu'à 20h ce soir, les portes de Fadjet sont grandes ouvertes et vous pouvez venir nous rendre une petite visite et puis rencontrer bien sûr les équipes, les animateurs, visiter nos locaux. Et Jean-Baptiste, lui, il était bénévole entre 2001 et 2003, c'est ça, hein ? Exact, bonjour à toutes et tous. Oui, je suis plein d'émotions. C'est magnifique. Ça, c'est déjà génial. Ça, c'est un beau mot. On va terminer de présenter les gens qui sont autour de la table. Alors, on aura après le GSA aussi avec Lionel, qui est un de nos partenaires. Alors, à chacun d'entre vous, j'ai envie de vous demander, de manière assez courte, comment vous avez rencontré Fadjet ou fait appel à Fadjet ? On va commencer par vous, Villers-le-Sec. Allez, je commence par le fort. Donc moi, je gère le fort de Villers-le-Sec. Et donc, c'est sur le fort que j'ai rencontré Fadjet, en fait. Sur le fort. Sur le fort, parce qu'à une époque, vous veniez faire des interviews sur site. On continue, hein. Mais c'est pas régulier. Ça nous arrive de sortir des Donc studios. Voilà, c'est comme ça que je vous ai un peu rencontré. Et puis, bah, en prenant un peu les commandes du fort, j'ai lien à travailler maintenant avec vous. Oui. Et donc, c'est un grand plaisir d'être là et c'est un grand plaisir de travailler avec vous. Alors, vous êtes passé ce matin juste pour visiter, dans le cadre de la journée portes ouvertes. Oui, parce que vous étiez déjà venu en studio ou jamais? Si. L'année dernière, j'ai fait deux interviews, une en studio enregistrée et une en direct. Ouais, d'accord. Ouais. Et du coup, ben, vous êtes resté. C'est aussi un petit peu l'occasion de vous demander pourquoi ce partenariat et qu'est-ce que Fadjet a pu vous apporter en tant que structure? Déjà, moi j'aime bien Fadjet parce qu'il y a cette proximité. Voilà, on peut accéder aux choses, être dans le studio avec vous. Donc ça, c'est génial parce que toutes les radios font pas ça. Ah ben non. Donc c'est ça le numéro un pour moi. Deuxièmement, Fadjet, c'est une radio de proximité. Le fort, notre clientèle, c'est les gens de proximité. Donc l'intérêt du fort, c'est de matcher avec vous pour parler du fort parce qu'il est encore assez mal connu, parce que pour les gens qui connaissent pas, il se situe sur le pourtour de Toul, et nous sommes sur la métropole de Nancy, et l'air de rien, il y a beaucoup de Nancyens et de Nancyennes qui ne connaissent pas encore le fort. Ben c'est ça aussi, Fadjet, c'est vraiment une radio, le mot a été dit, de proximité, qui permet de donner la parole à plein de gens qui ne l'ont pas forcément, et également des structures aussi, et leur permettre, bien sûr, de se faire connaître. Merci déjà pour... Alors on a déjà un premier mot, parce qu'une de mes questions, ça sera un mot. Que représente Fadjet pour vous? Proximité, je crois que ça résume bien. Oui, oui, c'est exactement ça. Merci beaucoup Cyril. Valérie Jurin. Oui, alors moi, je pense que c'est dans les années 2001-2002. Oui. Je suis à l'époque engagée politique, je suis élue, et j'ai en charge la santé. Et chaque fois qu'on mène une campagne dans le domaine de la santé, je pense notamment à la célèbre qui fait la promotion du dépistage organisé du cancer du sein, forcément vous êtes là. On essaie. En relais de proximité, c'est exactement ça, c'est en fait pour porter les messages. Le deuxième volant que j'ai, c'est mon engagement associatif, et là c'est le CIDFF, donc le Centre d'information sur le droit des femmes et des familles, on retrouve les femmes évidemment. Et là aussi, chaque fois qu'on fait quelque chose, conférence, nouvelle activité, le 8 mars, le 25 novembre, à chaque fois vous êtes là. Bien sûr, et puis on a eu un partenariat très important, qui va se renouveler avec des chroniques régulières à l'antenne. Tout à fait, et donc j'ai envie de dire, vous êtes un partenaire qui est pour nous complètement essentiel, complètement logique et naturel. Et puis... pour moi, Fadjet, c'est une radio jeune aussi. Alors, c'est local, bien sûr, mais j'ai envie de dire, on touche la jeunesse. Et si on veut construire une culture de l'égalité femmes-hommes, c'est tous ensemble qu'on peut la construire. C'est pas le CIDFF toute seule ou d'autres associations qui œuvrent, France Victime, Arelia, etc. etc. Non, c'est avoir cette espèce de collectif. Voilà. Et chez vous, il y a ce mot collectif là. On essaye d'être une radio qui relie. Oui, voilà. C'est vraiment... sent ça. Eh bien, merci en tout cas pour ce témoignage. On passe à Jean-Baptiste, ancien bénévole de Fadjet, qui est venu nous faire un petit coucou ce matin. En quelques mots, redire dans quelle période, à quelle période, et puis quelle mission aussi, parce que ça va peut-être rappeler des souvenirs à des gens qui nous écoutent. Oui, aux auditeurs. D'abord, en tant que... moi-même auditeur, déjà à l'adolescence, le réflexe de vie, d'écouter la radio, ça bouclait ma journée, en fait, sortie de l'école. Ça me permettait de décompresser. Et c'est... Bon, la radio, j'ai de manière générale une fenêtre sur le monde, donc ça aide à l'ouverture d'esprit. Et puis le fait de m'engager, c'est par rapport à mes études. J'avais pris option bac communication, et dans cette option il faut faire un projet, et mon projet, je me disais, allez, je vais monter une émission pour localement sur Nancy, et Fadjet, évidemment, en grande famille qui ouvre ses portes et puis qui partage les choses de manière généreuse. J'ai fait de 2001 à 2003 Mysteria, si certains s'en rappellent, c'était le lundi à 18h jusqu'à 19h, et je traitais des phénomènes paranormaux. Riche expérience en 2 ans concentrés. La première année, c'était différé, et la deuxième année, c'était en direct. On m'avait donné l'accord de changer de studio. C'était très riche en expérience. Alors, autant monologue la première année, la deuxième, j'ai eu Juliette, ma meilleure amie, qui m'avait accompagné pour mieux dynamiser l'émission. Et ravi de revenir aujourd'hui pour voir comment ça continue, partager, de se remémorer des beaux souvenirs. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir reçu. Ah ben, dans le studio, mais en tout cas, vous êtes venu tout seul nous rencontrer. Ça, c'est vraiment génial aussi. C'est ce grand week-end, on vous le rappelle, des 40 heures de direct pour fêter les 40 ans de Fadjet. C'est vraiment ce qu'on souhaite, c'est que des gens qui sont passés par Fadjet viennent nous refaire un petit coucou. Et nous repartagent un petit peu leur expérience. Donc, un mot qui caractériserait pour vous, Fadjet, s'il y en avait un à retenir, ce serait quoi ? Famille. Famille, ouais, ça marque dans la vie. Ça marque les rencontres, les émotions partagées, les expériences vécues. C'est indissociable d'un cursus de vie, mais au sens large de la définition. Eh ben, famille, proximité, oui. Valérie ouais. Jurin. Ah, moi, c'était le lien. Le lien, lien aussi. Donc, Edith, un mot. Compliqué. Partage. Partage. Et ben ça fait des beaux mots tout ça. Donc on va poursuivre avec vraiment votre souhait, parce qu'on a des gens qui vont se relayer, on a plein de gens qui sont avec nous. Si vous aviez un souhait pour Fadjet, pour l'avenir de Fadjet, que ce soit pour le partenariat en lien avec vos structures, pour voilà, qu'est-ce que vous souhaitez à Fadjet pour les années à venir, et pourquoi peut-être Fadjet doit continuer à exister, peut-être encore pendant 40 ans. Alors, ça réfléchit. Alors, un rayonnement, bah, le plus simple, je pense, c'est un large, très très large rayonnement, dans, je sais pas, 50 km autour de Fadjet. Ah ben, on y est déjà, là. Eh ben, alors, doublons la mise. Alors, doublons la mise, on va essayer. Alors, ça me permet de rebondir, parce que on émet aussi actuellement en DAP+, donc c'est la radio numérique, ça fait très peu de temps. Et on a ce souhait-là aussi, que grâce à la radio numérique, on puisse aller un petit peu plus loin que notre zone de diffusion actuelle. D'accord. C'est encore pas gagné, pour l'instant, mais l'objectif, et ça c'est un axe à développer pour les années à venir, c'est ben, d'essayer aussi d'avoir un rayonnement un peu plus grand. D'accord. Parce que c'est là aussi qu'on ben, va réussir. Je vous le souhaite de tout cœur. Et ben merci beaucoup. Et surtout Cyril. Dans ces 100 km, ça se densifie aussi. Il y a pas, voilà, faut aller loin, mais aussi récupérer le max de personnes, de public et d'auditeurs sur cette zone. Donc faut que ça se densifie aussi. Et ben un grand merci Cyril. Donc du fort de Villers-le-Sec, on le rappelle. Donc ben vous aurez des nouvelles du fort de Villers-le-Sec pendant toute l'année régulièrement. On en était où? Donc un vœu. Oh ben moi derrière Fadjet, je vois un grand réseau, en fait, un grand réseau de partenaires hein, qui va, on le disait, hein, ça peut se diffuser, mais ça peut aussi se renforcer finalement sur Nancy. Il y a une grande association, vous savez, qui est chère à mon cœur, qui est l'ARS, Accueil et Réinsertion Sociale. On a l'habitude... Êtes investie, d'ailleurs. Oui. Aussi présidente. Oui, je suis présidente. Voilà, vous ne l'avez pas dit. Ouais. Mais si aussi, ça, c'est très important. Voilà, donc il y a des thématiques. On se voit, hein, on se côtoie, on est les uns à côté des autres. Vous êtes ici, juste sur le quartier Saint-Nicolas. On y est aussi, puisqu'on a le fameux 34 rue des Fabriques, un lieu d'accueil ouvert au SDF. Je pense qu'il y a encore des synergies à construire. Ouais. Donc, au-delà de diffuser plus largement, renforcer aussi ce réseau de partenaires qui est votre force. Eh bien, merci beaucoup. Et c'est ces deux souhaits qui se complètent. C'est-à-dire, on est aussi une radio et on est plus qu'une radio. C'est un de nos slogans. Et c'est aussi cette rencontre, et tout au long de ce week-end, on va l'entendre, cette rencontre réelle avec les gens et la construction de projets en commun. C'est ça, l'important. Merci à vous. On a des gens qui sont aussi dans le studio, qui attendent de prendre le micro. On va écouter un petit peu de musique. Peut-être Exactement, Yves, si alors tu c'est veux. Edith et Cyril. Va, puisque un des mots était famille pour Fadjet, on va écouter Goldman avec Famille, tu es de ma famille. Oh, quelle transition. 1985-2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. Écrever le silence quand c'est à toi que je pense. Je suis loin de tes mains, loin de toi, loin des tiens, et tout ça n'a pas d'importance. Je connais pas ta maison, ni ta ville, ni ton nom. Pauvre, riche ou bâtard, blanc ou noir, bizarre, je reconnais ton regard. Et tu cherches une image, et tu cherches un endroit où je dérive parfois. Tu es de ma famille, de mon ordre et de celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Tu sais pas bien où tu vas, ni bien comment, ni pourquoi. Tu crois pas à grand chose, ni tout gris, ni tout rose. Mais ce que tu crois, c'est à toi. T'es du parti des perdants, consciemment, viscéralement. Et tu regardes en bas, mais tu tomberas pas tant qu'on aura besoin de toi. Et tu prends les bonheurs comme grain de raisin, petit bout de petit rien. Tu es de ma famille, de mon ordre et de mon rang. Celle que j'ai choisie, celle que je ressens dans cette armée de simples gens. Oh, tu es de ma famille, bien plus que celle du sang. Des poignées de secondes dans cet étrange monde qu'il te protège si longtemps. Presque jusqu'à la dernière seconde, c'était Jean-Jacques Goldman avec Famille. Vous écoutez Fadjet. Depuis 40 ans, Fadjet vous donne la parole. Et on continue, n'est-ce pas Fabienne? C'est Edith qui va reprendre. Ah, c'est Edith qui reprend la parole. Allez, c'est parti. C'est pas grave. 40 heures d'émission pour présenter la grande famille qui est Fadjet, en sachant que tout au début, vraiment l'objectif, c'était effectivement de donner la parole et de donner à croire d'abord en soi. Donner à croire aux autres. Et je trouve que c'est, voilà, je voulais le rappeler parce que nos invités de maintenant finalement sont en plein dans cette thématique. Exactement. On continue d'accueillir plein de gens différents dans notre studio et on en est très heureux. Alors, je fais le lien tout de suite. On accueille Lionel du GSA, Groupe Solidarité Active, et David aussi. Bienvenue à vous. Bonjour, bonjour. Alors, en quelques mots, peut-être, présenter le GSA. Comment on est arrivé à Fadjet? Oui. Tout simplement en faisant une visite des locaux. Parce qu'on allait visiter plein d'associations, on s'est dit pourquoi pas visiter Radio. Et puis c'est Aurélie, dans le cadre de son émission, qui est venue un jour à notre local. On faisait une animation qui s'appelait Saveur du Monde, et on avait une invitée brésilienne, donc on avait fait un repas brésilien ensemble. Elle a fait son émission, on s'est retrouvés, et on s'est dit pourquoi pas nous. Donc on a démarré une émission, Aurélie nous a briefé pendant quelques semaines, et puis, l'émission aura duré 5 ans, donc c'est déjà... Les bons plans solidaires, ouais, du GSA. Ça. Alors, en deux mots, Lionel, déjà peut-être redire ce qu'est le GSA. Alors, le groupe Solidaire Actif, c'est une activité de l'association Arelia, qui permet à des personnes qui sont locataires du RSA notamment, mais aussi d'autres types de personnes qui ont des minima sociaux, de sortir de chez elles, de rompre l'isolement, de rencontrer du monde déjà, et puis moitié de nos activités, c'est entre nous pour se redonner le moral, redonner les compétences que les gens ont, qu'on parfois oublié, et puis l'autre moitié, c'est aller vers les autres. Mmh. Donc c'est les associations, non Fadjet, voilà, et ça... Edith disait tout à l'heure, Fadjet aussi permet à des gens de croire à nouveau... En avenir, en soi, et tout ça, ça a été un petit peu l'expérience vécue. Ah ben c'est tout à fait ça. De toute façon, tout ce qui est le domaine entre guillemets artistique, communication, forcément, ça fait du bien à soi et ça valorise aussi. Mm-hmm. Et après, on le redonne aux autres. Et tous les participants à l'émission, au départ, on était 3. Mm-hmm. Sur les 5 ans, on a dû être une bonne trentaine à passer, c'est le bouche à oreille, après c'est « Oh, tu devrais y aller, c'est super !» Voilà, donc on a fait ce qu'il fallait pour que ça tienne la route. Alors vous êtes venu avec un des premiers participants, ouais, et une des toutes dernières, Je suis venu avec le tout premier participant, c'est David qui a fait la toute première avec moi et deux autres personnes, la première émission des bons plans solidaires, et puis Ouria qui elle a fait la toute dernière émission, donc il y a quelques semaines, et on a fait aussi nos émissions spéciales Noël. Ouais. Alors peut-être David et Ouria nous dire un petit peu qu'est-ce que vous a apporté ce passage un petit peu à Fadjet dans le cadre des bons plans solidaires. Moi en soi, ça m'a juste apporté l'envie de continuer dans le milieu associatif, parce que ça fait déjà un bon paquet d'années que j'y suis, et ça m'a conforté aussi dans mon projet de reconversion professionnelle, c'est dur à dire le matin, qui est de devenir accompagnant éducatif et social. D'accord. Donc faire moitié éducateur un peu spécialisé et moitié animateur. Mmh. Donc là, c'est le projet à venir. Voilà, c'est mon projet à venir. Et grâce à Lionel, j'ai peut-être enfin trouvé un stage d'immersion pour valider mon projet pro. Mais ça, c'est aussi, ça ouvre des horizons de faire partie d'abord du GSA. Et puis aussi, peut-être, ce projet collectif qui a conforté peut-être une envie d'aider les autres. Mmh. Ouria ? Alors moi je dirais ça m'a permis le petit travail qu'on avait pu faire là, de faire cet équilibre à travers l'écriture de chansons qu'on a pu faire dans le partenariat qu'il y a eu avec Lina Bijou, L'Autre Canal et Arelia. Ça c'est un partenariat musical, c'est ça ? D'écriture de chansons et puis de partager cette chanson, ce texte en français. Ouais. Du coup c'était très riche. Moi j'étais la seule femme, on était 5 personnes. Ça faisait mais je dis que la voix n'a pas de sexe. Je trouve ça intéressant. Et Fadjet, du coup, j'ai découvert avec, du coup, sur le trajet, la petite, aventure avec la radio et la richesse d'une radio. Et Fadjet, du coup, c'est un petit peu son rôle, c'est de sortir un peu la parole des groupes. Parce que quand on prend la parole seul, on partage quelque chose qui rassemble. Mmh. Et ça évite de ces fermetures de groupes comme ça et que la parole, elle sorte pas. Donc à travers Fadjet, du coup, c'est un peu ce parcours que je souhaite qu'il se poursuive. partager la parole. Oui. Ça, c'est et aussi ne pas être dans un entre-soi. Voilà, entre-soi, parce que vraiment, on est vraiment une maison ouverte. Entre-soi des femmes, entre-soi des hommes, entre-soi des sociales, que la parole, en fait, elle s'exprime, elle existe et elle soit partagée. Merci en tout cas pour ce témoignage. Alors, on a aussi dans ce studio, on va passer sans transition à François. Bonjour François, que vous entendez régulièrement à l'antenne. Tout à fait. Et qui nous parle très régulièrement de... De pêche. De pêche. Mais voilà. c'est ça la diversité. Voilà. Exactement. Et voilà. Et pas que de pêche, parce qu'on parle aussi de protection des milieux aquatiques. Exactement. Comment tu as rencontré Fadjet, ou comment tu as fait appel à Fadjet dans le cadre de cette fédération? Alors, effectivement, moi je travaille, c'est dans le cadre de mon travail, parce que je suis chargé de développement à la Fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de Meurthe-et-Moselle, qui se situe à Nancy. Et en gros, mon boulot, c'est de promouvoir le loisir pêche, les parcours de pêche, les valoriser et en faire la promotion. Dans ce cadre-là, je fais régulièrement des communiqués de presse, et puis notamment pour les ouvertures de pêche, et donc je contacte les médias locaux, dont Fadjet, et c'est vrai que j'ai trouvé une écoute, une porte, une opportunité de venir un petit peu plus régulièrement avec Yves, qui m'avait proposé à l'époque. Exact. Qui a appris plein de choses sur la pêche. Ah bah, qui est au top maintenant sur la tanche, les Exactement. Mais c'est ça aussi, Fadjet, ouais. Donc c'est génial, et je trouve que c'est une super opportunité. Et ça fait un moment déjà, de ça. Et alors ça fait un moment, on en parlait hier à la soirée, j'ai regardé, ça fait depuis janvier 2019, et alors tenez-vous bien, je ne l'invente pas, on a fait 54 chroniques. Voilà, c'est pas mal, non, 54 chroniques sur la pêche, ouais, c'est génial. Donc, et alors, pourquoi tu continues à venir à Fadjet, que ce soit personnellement ou pour l'association, qu'est-ce que ça vous apporte, ça t'apporte, et ça apporte peut-être à l'association? Je trouve que c'est une super opportunité de parler des poissons et du milieu aquatique, parce qu'on n'en parle pas finalement beaucoup. On parle beaucoup d'environnement, de biodiversité, avec la politique de la ville qui évolue. Nous-mêmes, dans nos pratiques, on évolue quand même, chacun à sa manière. La société évolue, pas toujours des fois dans le bon sens, donc il faut justement des garde-fous et des lanceurs d'alerte. Je me pose pas du tout comme ça, mais néanmoins, je trouve que c'est quand même très important de parler de ça, au-delà du loisir et de la passion qu'on peut trouver dans la pêche et des valeurs que ça peut transmettre, notamment aux plus jeunes, de curiosité technique, de découverte, etc. Il y a justement ce côté valorisation et protection des milieux. La dernière chronique, on a parlé de la mulette épaisse. La mulette épaisse. Qui est une mulette d'eau douce, tout le monde connaît, évidemment. Tout à fait. Non, mais voilà, maintenant, tout le monde connaît. Voilà, mais ça permet d'ouvrir aussi des horizons et de se dire à des gens, tiens, je connais pas, je vais aller tester. Ça peut être la pêche est un loisir aussi très agréable, ouais, qui détend, populaire. Qui, voilà. Qui va à la pêche autour de la table? Moi. Bon. tu as bien fait de venir. Un mot qui résumerait pour toi, Fadjet? Ouverture. Ouverture, parce que c'est une ouverture d'esprit, une ouverture de porte, si je schématise. Et puis, si je fais un petit jeu de mots, ça résonne avec l'ouverture de la pêche qui va arriver bientôt. Voilà, c'est bientôt. Bravo. On en parlera bientôt dans l'émission. Merci François. Lionel, un mot qui résumerait? Eh ben moi, je dirais réseau social, parce que les réseaux sociaux sont très à la mode, mais ça reste le plus souvent complètement virtuel. Alors que Fadjet est une association comme de proximité locale, c'est vraiment un vrai réseau social. C'est un vrai compliment, ça. Mais ça fait deux mots, Lionel. Hein, mais alors, on les prend. Alors, on les prend. Voilà. Finition, David, moi, ce serait solidarité. Parce que pour le coup, j'ai remarqué, c'est un projet qui est un petit peu en stand-by dans les cartons, j'ai envie de dire. Mais qu'on ait de la bouteille ou pas dans l'animation radio pour créer une chronique ou même pour être ingénieur du son, on est bienvenu. La porte est ouverte, on la pousse, on dit voilà, j'ai une idée, j'ai un projet, est-ce que vous pouvez m'aider, m'accompagner? Et sauf dans le cas où il y a vraiment personne de disponible, c'est tout de suite oui. On n'est pas dans un lieu où on parle de performance, en fait. Et ça fait du bien, je trouve, par rapport à tout ce qu'on peut trouver par ailleurs. C'est vraiment un des jingles qui tourne à l'antenne, c'est 40 ans de voix et d'ondes qui rassemblent, et ça résume un petit peu tout ce que vous avez dit, et c'est vraiment notre souhait, vraiment avec l'équipe des salariés, de ce que tu viens de dire, David, c'est-à-dire d'accueillir ceux qui n'auraient jamais imaginé un jour pouvoir parler à la radio. Ou avoir des choses intéressantes à dire. Ou avoir des choses intéressantes à dire et pouvoir les dire en collectif. Solidarité, c'est aussi un travail d'équipe, une émission. Et du coup, ça, on l'apprend, et j'espère que encore pendant 40 ans, on pourra aussi permettre à... Enfin, peut-être pas nous, hein, Yves, mais en tout cas, que cette belle radio... Je ne sais pas dans quel état ce sera. Radio Jeune. Que ce projet continue encore très longtemps. C'est toujours trop court, mais merci à vous d'être venu. D'autres personnes vont se relayer. Lionel, on va peut-être te retrouver prochainement aussi sur l'antenne de Fadjet, autrement que... Ah oui, vous m'avez passé le virus. Lionel, je peux pas avec Lionel, les aigus sont au maximum, rien à faire. Lionel, il est en retraite depuis très peu de temps, donc on va lui souhaiter une très bonne retraite. Et il a plein de projets encore solidaires en tête, et qui viendra certainement partager à Fadjet. Avec plaisir. François, on te souhaite encore de belles émissions sur la belle ouverture. On se retrouve le mois prochain pour parler de l'ouverture de la truite. Ah oui, tout à fait. On va caler ça. On est toujours mars. Et toutes tes émissions en podcast au fil de l'eau. Exactement. Tout simplement. Et donc, bon anniversaire à Fadjet et bravo à tout le monde. C'est super. Un grand merci, et vraiment c'est grâce à chacun aussi qu'on est là. On part en musique. Bon allez, Yves. Allez, je crois que David voulait un peu de soleil. Il a bien raison. On repart en 1991 avec le groupe Au Petit Bonheur. Ah oui, c'était quel mois la sortie du clip? On va dire septembre. Mais oui, parce que c'était une année où je faisais des après-midi entières à passer de la musique, et celle-là, je la passais à chaque fois tellement elle me mettait de bonne humeur. Mais c'est ça aussi la radio, se rappeler des bons souvenirs. Et ben c'est parti. 1985, 2025, Fadjet à Nancy et en Lorraine depuis 40 ans. La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Je lui soleil. Je lui soleil, tu sais, elle est joue. Je veux retrouver mon sourire d'enfant perdu dans le tourbillon. Fadjet, 40 ans à vos côtés. De retour sur Fadjet, les 40 ans et 40 heures d'émission spéciale continue. On se retrouve bien sûr en studio avec Edith. Ça va, Edith? Ah, attends, pleine forme, ah, tu vois, avec cette 17e heure. Enfin, donc voilà, il en reste encore un paquet à venir. Et Fabienne, toujours là, ça va? Oui, ah, oui, toujours, oui, en train, oui, de, on est toujours là. Mais c'est... juste, il y a une de nos anciennes stagiaires qui vient de passer dans la maison et nous amener une boîte de chocolat pour nous souhaiter un joyeux anniversaire. C'est quand même extraordinaire, ah ouais. C'est ça aussi, Fadjet. Avec des chocolats, ah, alors, quand on dit ancienne stagiaire, elle est quand même toute jeune, hein, ton ancienne. On a failli avoir un accident en direct, la directrice qui a failli faire des cascades. Et voilà. Voilà, tombé de son siège. Vous imaginez dans l'état de fatigue où on est déjà. Hein, il reste encore quelques heures. On accueille autour de la table Kevin. Oui, bonjour Fabienne. Bonjour Kevin, donc, qui est membre d'une association partenaire qui, oui, travaille, NQT. Bien sûr, ouais, nos, ouais, quartiers ont des talents. Ouais, exactement, et qui est membre du CA, oui, de Fadjet. On fait un petit tour, oui, de présentation, puis après on reviendra sur plein de choses, et en particulier votre lien avec Fadjet. Oui. Jean-Paul, oui, bonjour, qui représente, Fabienne, l'association Oxfam. Oxfam, en deux mots, c'est Oxfam à Nancy. Oxfam? Oui. Oxford Famine, oui, au départ. Ouais. D'accord, donc une association de solidarité. Une grosse ONG, bon, trop peu connue encore, mais, ouais, ça va venir. Et exactement, car ça fait jet. Oui. Et on a la joie d'accueillir un ancien, on peut le dire comme ça. Ah oui, je suis vraiment un ancien. Il vient de loin en plus. Hein. Ouais, je suis de Toulouse. Salarié, ouais, hein, monsieur Samir. Oui, bonjour. Bienvenue à toi et vraiment merci d'être venu de Toulouse pour ces 40 ans de Fadjet. Alors, redis-nous en deux mots, comment tu as connu Fadjet, comment tu es arrivé à Fadjet et qu'est-ce que ça t'a apporté, Fadjet? Alors en fait, moi j'étais au collège, j'avais 12-13 ans, j'étais au collège et j'étais déjà passionné par la radio à l'époque. Et je cherchais un stage, parce que quand on est au collège, en 3e ou en 4e, je ne sais, exactement, plus, t'as un stage d'observation d'une, ouais, semaine à faire. Mm-hmm. Et moi, je voulais le faire dans une radio. Bon, déjà au collège, Victor Prouvé, donc à l'AXOU pour ceux qui connaissent, on m'a dit, mais tu trouveras jamais un stage dans une radio, fais-le dans une vraie entreprise. Mais j'ai quand même appelé à Fadjet et je suis tombé sur Marie-Claude Vivier qui, à, ouais, l'époque était présidente de l'association. Directrice. Directrice, ouais, pardon, directrice. Excusez-moi. C'est Guy Descane. Qui est le fondateur. Le fondateur. Ouais. Exactement. Et Marie-Claude Vivier. Et qui n'est pas là, Guy Descane. Il était là hier. Soir. Il sera là ce soir à 20h. Eh ben, je vais venir le voir. Eh ben alors, tu pourras même lui souhaiter un joyeux anniversaire. Voilà, parce que c'est aussi son anniversaire. Je reviens à 20h sans faute, vraiment. Eh ben avec grand plaisir. Donc en fait, j'ai appelé à Fadjet et Marie-Claude décroche au téléphone et elle me dit oui, mais nous on prend pas de stage en observation, c'est compliqué. Oui. Et là, je lui explique que je suis passionné par la radio et que je veux en faire mon métier. Et elle hésite, elle fait bon, allez, viens faire ton stage à la radio, etc. Et quand je suis arrivé à la radio, j'ai rencontré donc Ghislain Pierrot. Ouais. Ghislain Pierrot qui était donc le ce qu'on directeur appelle, des programmes. Voilà, c'est ça, directeur, ouais, d'antenne. Ouais. C'était, ouais, le Yves de l'époque. C'était le Yves de l'époque. Plus que ça, plus, ouais, plus. Bah, il s'occupait de beaucoup de choses, il faisait les voix off, oui, il était, ouais, voilà, c'est quelqu'un qui est vraiment maîtrise l'outil radio, il en a fait son métier derrière, etc. Ouais. Et honnêtement, lui et moi, ça a grave matché. Alors j'étais un gamin, j'avais 13 ans, et moi je terminais ses phrases, lui il me disait, mais t'es un malade, on dirait que t'as déjà fait ce métier, et tout ça, j'étais un fou de la radio, j'écoutais la radio, je faisais de la radio dans ma chambre avec, ouais, des cassettes audio, ma mère, elle me prenait pour un fou, elle disait, mon fils, elle était ravie qu'il aille vraiment sur une radio pour se dire, bah au moins, voilà, moi, voilà, je mets plus le son dans la maison. Exactement. Et en gros, ensuite, bah, j'ai proposé une émission et le mercredi après-midi, après le collège, eh ben, je venais faire mon émission de radio ici à Fadjet. J'étais bénévole, mais j'étais un minot, j'étais un ado. Oui, quoi. Mais là aussi, hein, on accueille des collégiens, des lycéens. C'est Fadjet, un truc de fou. C'est... Un truc et ensuite, salarié. Et ensuite, ben, quand j'ai eu 17 ans, c'est ça, voilà, ouais, j'ai été recruté, j'étais technicien, ouais, sur Fadjet pendant peut-être 2 ans, je ne sais plus. Ouais. Au final, Skyrock m'a contacté, je suis devenu animateur professionnel, c'est mon métier aujourd'hui. Donc aujourd'hui, tu es animateur. Je suis animateur, je fais tellement de choses. Je peux vous faire un truc, il chante aussi. Encore on verra tout à l'heure. Un mot qu'on n'a pas entendu. C'est ce mot tremplin. Ah, Fadjet, mais ça a été un tremplin. Et ben voilà, ouais, je faisais une interview en bas avec Jean-Luc, puisque en bas à l'accueil de Fadjet actuellement, on est interviewé aussi quand on arrive. Mmh. Et effectivement, je lui ai expliqué que Fadjet est un énorme tremplin pour des jeunes. Mmh. Et d'ailleurs, la personne qui m'a recruté à Skyrock, le directeur de Skyrock à l'époque, c'était un ancien de Fadjet. Il s'appelle Christophe Rivaud. Alors je sais pas si vous, ça, ouais, vous parle. Mmh. Ça vous parle peut-être pas. Ah oui, on a plein de bénévoles qui, voilà, sont passés ici. Et il est devenu directeur de Skyrock. Vous imaginez quand même le parcours, ouais, qu'il a fait. Ouais. Et moi ensuite, donc j'étais animateur sur Skyrock. sur Fun Radio, sur Contact FM, j'ai fait Radio Vitamine, Toulouse FM, j'ai animé aux Jeux Olympiques sur scène devant 30 000 personnes, je fais des voix pour Canal+, je travaille pour Canal+. Tout ça grâce à Fadjet, imaginez quand même, s'il n'était pas passé par Fadjet, il n'en serait pas là. C'est ce que je disais à Jean-Luc, c'est exactement ça, Fadjet c'est mon école de radio. Et tu sais, alors reste avec nous parce qu'on va appeler Marie-Claude Vivier. Ah mais avec grand plaisir, j'adorerais lui parler. Que voilà, vous soyez ensemble sur le même créneau. Mais quand même avant ça, on va demander à Kevin et à Jean-Paul un mot qui caractériserait le plus pour vous votre lien à Fadjet. On a entendu Samir parler, ben, pour moi c'est un tremplin, peut-être en racontant un petit peu rapidement le lien entre l'association NQT, en tout cas pour toi Kevin, et puis tu es membre du CA aussi de Fadjet, donc... voilà, redis-nous un petit peu ce que t'apporte Fadjet, ce que représente Fadjet pour toi. Pour aller dans la continuité du lien, je parlerai de l'insertion, puisque moi, bah, pareil, j'avais toujours voulu faire de la radio, j'ai toqué à la porte, voilà, je suis un Nantais exilé à Nancy, et donc voilà, en 2018, je pousse la porte de Fadjet, je suis accueilli dans la matinale du jeudi et je ne l'ai jamais quitté. Et de par mon métier, donc dans l'association NQT qui fait de l'insertion professionnelle, et bah ça m'a permis justement de porter mon amour de la radio aux jeunes que j'accompagne, et je sais qu'il y en a un certain nombre qui sont passés par la radio qui sont toujours bénévoles, et c'est vrai que pour moi c'est ça, c'est la force de ce média, c'est vraiment l'insertion des personnes qui peuvent être plus ou moins éloignées de l'emploi et qui par le fait d'être intégrées dans une maison bienveillante, je pense que ça c'est un mot qu'on peut retenir, la bienveillance chez Fadjet, et bah voilà, ça leur permet d'être un tremplin pour la suite. Donc certaines personnes, je pense qu'aujourd'hui, bah, Samir l'a évoqué, voilà, ça les a beaucoup aidés dans leur parcours de vie et professionnel. Merci Kevin. Très bien. Jean-Paul. Bah, impressionné par ses parcours. Parce que oui, Jean-Paul, je suis débutant, alors, on a un partenariat depuis quelques temps hein, avec Oxfam, oui. Mais peut-être aussi redire ce que ce projet d'émission, tu as une émission un peu régulière hein, sur voilà. Fadjet. Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être personnellement et, et peut-être aussi avec les gens de la SOS. Je ne suis pas un ancien de la radio, mais presque quand même, parce que j'ai commencé à une radio que tu connais du côté de Toul. Des clics. Une radio amie. Ouais. On leur fait un petit coucou. Ouais. Ils ont fait plein de com pour les 40 ans de Fadjet. Ouais. Vraiment, c'était. J'ai découvert ce milieu radio, de radio associative. Ouais. Et c'est vraiment extra. Vraiment, d'excellents souvenirs. Et je retrouve ici la même ADN, la même veine. Oui. Un grand plaisir. Ouais. En proximité, parce que moi, c'est un peu habitant Nancy. C'était plus pratique d'aller du côté de Rue Charles III. Oui. Et. En fait, quand j'entendais parler nos amis autour, là, moi j'y vois le côté atelier, en fait, avec le côté expérimental, avec ces jeunes étudiants de l'IAE, puisque je peux citer les... Mm-hmm. Exactement. Voilà. Yeah. Pour donner la parole à des jeunes étudiants qui... Ils ont un tas de choses à dire, mais ils la gardent pour eux, ou ils parlent entre eux. Enfin, oui. Et ça permet aussi d'avoir une parole publique. Ouais. Et de... Alors on a ce problème avec Oxfam, c'est que c'est une très grosse ONG mondiale, trop peu connue, très connue à travers sa directrice générale, bien sûr, qui on voit sur le plateau, Madame Cécile Duflo, pour pas la nommer, mais qui est directrice de l'équipe salariée, hein, pas confondre avec le président, qui est bénévole, puisque c'est une association 1901, tu développes, t'essayes de développer un petit peu, de faire connaître cette association. Ben oui, parce que donc Cécile fait tout le boulot au point de vue national. Donc nous, localement, on est plutôt humbles. Et on travaille ces franges de la société qui ont des choses à dire. Et le public étudiant, parce que Oxfam, au départ, c'est une affaire d'étudiants. OX, c'est de Oxford, respect. Et aller vers eux, c'est l'essentiel. Enfin, voilà. C'est donc là, il y a un petit projet aussi pour réintégrer des étudiants. Et voilà, à chaque fois, une émission tous les mois. Et ils prennent les thématiques d'Oxfam, les campagnes en cours. Et je les ai initiés à la fameuse notion de conducteur, parce que c'est sérieux. Là, ah, le conducteur radio, parlons-en. Comme enfin, celui qu'on a ce midi. On va pas en parler là, c'est ça. Comme le mien. Voilà. Mais c'est important. Et puis je l'ai redit, une petite phrase que j'aime bien, que j'ai entendue il y a quelques temps. À la radio, l'écran est plus grand. Eh ben... Oh, merci. Orson Welles. Eh ben, merci beaucoup, Jean-Paul. Le temps passe. Oui, on va repartir en musique. Un petit peu de musique, eh ben, et puis on retrouve. On l'a dit, Sam, il est multicasquette. Ah oui. Hein, tu m'as envoyé un titre. Ah, mais en fait, en gros, il va passer une chanson à moi, là. C'est, ah bah oui. À toi. Je chante, bah oui. Ouais. Tu ne savais pas, Fabien. Il l'a enregistré ce matin avant de venir. Non, je l'ai enregistré avec Jean-Luc. Grande attention. Et juste après, on va retrouver Marie-Claude Vivier. Ah, bah ça sera génial. Oulala. Directrice emblématique. Elle nous écoute, bien sûr. De Fadjet. C'est parti. À tout de suite. Fadjet, 40 ans de souvenirs partagés. Do you remember the first time when I looked into your eyes? Do you remember the first night when you rolled me to the sky? Forget when you told me that you'd be there always for me, girl. Maybe I'm crazy, 'cause I believe you'd be there always for me. Mercredi à partir de 15h30, Hip Hop Sound. Nouveauté 100% rap, américain et français, avec chaque semaine un artiste connu qui viendra nous parler de son actu musical. Hip Hop Sound, votre rendez-vous ne pas manquer, chaque mercredi à partir de 15h30, juste après Raga Style. Mais c'est quoi ce truc? C'est toi alors, en fait. Wow, la voix de jeune homme. Nos invités, monsieur Samir. Je suis 1998. Non mais oui, voilà, j'allais dire, voilà. Elle a 30 ans cette... mais oui, tu avais 30 ans de moins. Non mais c'est quoi ce truc? Non, ça a 25 ans à peu près, c'est ça? 25 ans? Ouais, c'est 2000, peu 2000 peut-être. Non, 98. 98, ah ouais, mais la voix, on dirait un enfant quoi, qui parle. Bah, tu étais un enfant. Manque d'assurance, c'était incroyable. Oh, moi aussi, non. Vous avez des archives de fous en fait ici. Mais oui. Et puis on aime bien faire des cadeaux aussi sur Fadjet. J'ai adoré, hein, ça m'a tué. En tout cas, super ta chanson. Bah, c'est plus, gentil, merci beaucoup. Non seulement animateur, mais aussi vraiment Bah, voilà, je chante chanteur un peu. De talent. C'est gentil. Alors, est-ce que nous sommes en direct en lien avec Perpignan ? Absolument. Oh, alors là, qu'est-ce qu'on est heureux. Bonjour Marie-Claude Vivier. Bonjour Marie-Claude. Bonjour, ça va bien. Bonjour Edith. Oh, elle nous a reconnus. Ah, Marie-Claude. On en a presque les larmes aux yeux de t'accueillir. On est très émus. Parce que Marie-Claude Vivier, pour nous. Je vous envoie plein de soleil parce que, contrairement à vous, je suis dans le soleil. Alors, je vous envoie du soleil. Ça va faire. On va partager ça pendant quelques minutes. Eh ben, avec grand plaisir. Alors, je redis quand même à nos auditeurs qui est Marie-Claude Vivier. C'est une figure emblématique de Fadjet, directrice de Fadjet pendant 10 ans, 2002-2022, c'est ça? Exactement. Ah, tu vois, je sais tout, hein. Et qui a appris plein de choses à plein de gens, qui a surtout été. Moi, j'ai vraiment les larmes aux yeux pour le coup. Allez, j'ai à côté de moi 2002, quelqu'un qui s'appelle Samir. Ça te dit quelque chose, Marie-Claude ? Mais tout à fait, tout à fait. Et en même temps, je reconnais les voix. Et je t'assure que Samir, il a les larmes aux yeux de t'entendre. Ben alors, je tu peux nous dire, Samir, ce que tu as apporté. Je la remercie énormément, Marie-Claude. Ça a été une deuxième maman pour moi. Elle a toujours été là pour moi. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Elle m'a aidé à de nombreuses reprises. J'ai eu des problèmes dans ma vie autres que voilà, on a tous des problèmes. J'étais un gamin. Je viens d'une cité, je viens de l'Axou. Et Marie-Claude, elle a toujours été à l'écoute. Elle a toujours été là pour moi. Et ça me fait trop plaisir de l'entendre ici. Merci pour avec un petit témoignage des fois, de vraiment. Et elle m'a recadré plein de fois. Une deuxième maman. Et on a parlé beaucoup de Fadjet, une grande famille. Et c'est vrai, Marie-Claude, que tu as été pendant de nombreuses années, non pas très souvent à l'antenne. On t'entendait peu, mais très présente dans cette maison, à faire le lien avec les uns et les autres, à être à l'écoute, parce que ça aussi c'est important, le projet de Fadjet, c'est la parole, mais c'est aussi l'écoute. Qu'est-ce que tu retiens, toi, de tes années à Fadjet? Qu'est-ce que ça t'a apporté, un souvenir? J'ai l'impression qu'il faut que je sois très rapide parce que il y a plein de choses qui sont. T'as 5 minutes encore, hein. 5 minutes. Oh, ça va aller alors. Alors moi, je dirais que c'est 10 ans de Fadjet assez extraordinaire. Pour au départ, deux raisons. J'ai assuré la transition quand je suis arrivée après Guy Lescanes, et il y a eu toute une époque qui se terminait avec les aumôneries des lycées professionnels de la ville de Nancy. Et ça s'est perdu progressivement. Ensuite, j'ai assuré le déménagement. Était dans une vieille partie de l'église Saint-Nicolas qui est derrière. Le 49. On était au 49 et le déménagement a été un temps assez compliqué et en même temps formidable parce qu'il était avec un groupe d'insertion de jeunes qui a travaillé, qui a refait tous les locaux, les peintures, les murs et tout. Donc c'était assez passionnant de travailler avec eux. Et puis l'autre transition, c'est quand je suis partie, la radio Fadjet est devenue davantage un lieu de radio, un lieu professionnel, avec du matériel sûrement beaucoup plus pro, beaucoup plus intéressant qu'au fur et à mesure on avait mis en place. Et voilà, ça c'est les deux transitions dans lesquelles j'ai été. Mais l'ensemble pour moi de ces 10 ans, c'est toutes les rencontres que j'ai faites, des jeunes, des moins jeunes, de tous les stagiaires qui ont circulé dans cette maison, des jeunes qui étaient en situation d'insertion, en situation de CES, et j'aimais beaucoup ce temps d'accueil, d'écoute. Alors j'étais un peu moins performante, pour pas dire pas très performante du tout, sur le plan radio. Je trouvais que c'était un outil formidable et j'ai vraiment le souvenir d'avoir entendu des belles phrases comme un jeune qui prenait la parole pour une première fois, un jeune qui avait une situation très très lourde, un passé compliqué, très violent, très difficile, et qui tout d'un coup à la radio pouvait dire « je croyais que le monde entier m'écoutait, c'était magique ». Et voilà, quand je pouvais après ça reparler avec ce jeune et entendre toutes ces belles phrases que la radio a permis de dire. C'est vraiment un lieu... la radio, finalement, je l'ai appréciée aussi pour ça. Même si la priorité, pour moi, c'était les rencontres, l'écoute et le temps passé avec les uns et les autres. Eh bien, je crois que... Très rapide. Eh bien, oui, très rapide, très résumé. Mais vraiment, c'est le projet qu'on a envie de poursuivre encore aujourd'hui. Alors, c'est vrai que Fadjet s'est professionnalisé, et je dirais heureusement, parce qu'elle n'existerait plus aujourd'hui. Mais ce côté, on l'entend depuis hier, depuis le début de ce marathon un peu fou pour fêter les 40 ans. C'est vraiment ce côté chaleureux, familial. Et je crois que tu as mis ton empreinte vraiment dans ce côté-là de Fadjet. C'est-à-dire, voilà, tu as des souvenirs de jeunes, mais je crois que plein de jeunes, et Samir en est aussi un des exemples, et il y en a des centaines d'autres, tu as laissé un souvenir impérissable, non pas parce que tu étais génial à la radio, mais parce que tu avais ce côté écoute. Et une radio qui écoute, ça c'est... On aime bien aussi chaque fois que quelqu'un faisait une émission, alors moi je me souviens de la matinale, après on s'était Marie-Claude va arriver, qu'est-ce qu'elle va dire? Et il y avait toujours, ah ouais, alors là, c'était pas tout à fait français ça. Voilà. Alors là, ils l'ont moins le matin, si tu veux, avec moi. Oui, mais il y avait toujours un regard, un petit mot, un petit, voilà, quelque chose personnalisé pour chacun. Et voilà, chacun avait cette sensation d'être unique, en fait. Ouais. Et pour moi, Marie-Claude, vraiment. J'ai repris la direction depuis quelques années de Fadjet et vraiment, tu as été un exemple aussi pour moi et tu continues, et bien plus qu'un exemple, une grande amie. Et merci beaucoup, parce que je pense qu'on serait, on est plein là à vouloir te dire merci. Tu les entendras pas tous parce que tout le monde n'est pas en studio. Mais un énorme merci à toi. Marie-Claude. Marie-Claude, tu as raison, Edith. Tu sais que tu as ton nom là au-dessus du studio direct. Eh ben, alors je vais passer la journée avec vous avec grand, grand plaisir. À chacun de vous, j'envoie une pensée très, très affectueuse. J'embrasse les uns et les autres que j'ai bien connus. Un baiser particulier pour Samir, pour Edith, pour Fabienne et pour Yves que j'ai eu au téléphone. Il y a Jean-Luc aussi qui est à côté de Yves, là. Et alors, pour Jean-Luc, bien sûr. Bah aussi, oui, que tu as bien connu aussi. Pour tous ceux que j'ai croisés et à tous ceux que je ne connais pas, belle route dans Fadjet et faites-vous plaisir tout en étant très, très rigoureux. Ce qu'Edith a redit tout à l'heure m'a fait plaisir parce que oui, j'écoutais tous les matins dès 7h du matin et quand j'arrivais, effectivement, je faisais mes petits commentaires sur chacun parce que j'avais toujours envie que ce soit le mieux possible. Voilà. Merci Marie-Claude, un énorme merci à toi. On va garder les rayons de soleil que tu nous as envoyés. Je vous les partage très très volontiers et très belle journée à chacun d'entre vous et bravo à Fadjet. Merci à toi. Au revoir. On t'embrasse. Fadjet. 40 ans, 40 heures de live. Happy birthday. Bon début d'après-midi à l'écoute de Fadjet, il est 13h. Fadjet. 4 décennies de voix qui rassemblent. Je suis avec Francis Racoteau-Harizon, l'un des pionniers de l'aventure web de Fadjet, puisque tu gères le site internet, entre autres. Toi, tu es arrivé il y a déjà quelques années. Ça a été quoi ton rôle à Fadjet au début? J'ai connu Fadjet, j'étais auditeur. Mais bon, comme beaucoup, je pense, hein, auditeur. Bon, la radio avait peut-être un an ou deux, hein. C'était 84-85. C'était dans des locaux qui n'existent plus, qui ont été rasés à côté de l'église. Et donc, je passais là, une de mes amies habitait sur place. Et donc, on passait de temps en temps plusieurs heures par mois pour jouer à des jeux de rôle. Et on était dans les locaux de la radio. Et je me souviens très nettement, la copine qui s'appelait Catherine, si mes souvenirs sont bons, devait aller changer le radio 4-7 audio reverse pour que ça continue à diffuser sur antenne de Fadjet. Alors ça m'avait un peu intrigué et puis du coup voilà. Et c'est vrai qu'il fallait changer les cassettes de sens au bout d'un moment, ça se faisait voilà. Plus automatiquement. Bah il y avait rien d'automatique. George, l'ordinateur était pas là, enfin voilà. Et donc du coup je me suis mis à écouter la radio et puis à m'intéresser un petit peu de près à Fadjet. Et puis après mon autre retour c'était en 91 quand en fait à force d'écouter la radio, je me suis dit bah ouais, c'est bien mais pourquoi pas faire de la radio de l'intérieur plutôt que être simplement passer de l'autre côté. Passif, voilà, passer de l'autre côté, rentrer dans le poste. Donc j'ai bêtement écrit un petit courrier à la radio. J'ai reçu un coup de fil. À l'époque, c'était pas Fabienne, c'était Guy Lescan qui était. D'accord. Donc notre père à tous. Voilà. Et il m'a dit, bah écoute, Francis, on est en train de travailler pour mettre en place une matinale. Mm-hmm. Il n'y en avait pas. Bah écoute, viens. C'est toi qui as coordonné la matinale. Non, du tout. Non, mais j'ai participé au début de l'aventure. D'accord. Je me souviens qu'on a même fait venir quelqu'un de France Bleu. Enfin, à l'époque, c'était Radio France Nancy Lorraine, si mes souvenirs sont bons, pour nous aider à définir un conducteur, à gérer une cible d'auditeur. Enfin voilà, c'était travaillé vraiment. Puis bon, ça a beaucoup évolué depuis, hein, je veux dire, mais là, tous les matins, vous avez la 94 de service compris, c'est le résultat de tout ça. D'accord. Donc j'ai participé à ça, voilà. Alors moi, ce que je voudrais savoir, c'est Fadjet, ça apporte quand même pas mal aux jeunes et aux personnes aussi en difficulté, parce que ça permet de reprendre confiance en soi, ça permet de travailler son élocution, de travailler sa façon de penser les choses et de les restituer. Toi, si tu devais donner une qualité que ça t'a apporté pour ta vie professionnelle ou ta vie personnelle, ce serait quoi ? Je pense effectivement que ça permet de prendre confiance en soi. Quand j'étais ado, j'étais plutôt un gamin timide. Bon, alors après, il n'y a pas eu que la radio. J'ai eu d'autres événements dans ma vie qui ont fait que j'ai aussi pu avancer. Mais je pense que la radio a participé à ça et c'est vrai que ça aide. Puis d'abord, rien que pour quand on en parle autour de soi, je fais de la radio. Les gens, ils ouvrent les yeux, ils disent « Ah, comment ça ? Pourquoi ? Comment ça marche ?» Enfin voilà, tout de suite, on est le centre de l'auditoire et c'est très rigolo, quoi. Ouais, c'est vrai. Je témoigne de ça. Ça m'est arrivé, par exemple, de faire du covoiturage pendant 4 heures. Je ne sais plus à quelle occasion, pouf, on a démarré le sujet à un moment donné, on me demande ce que je fais. Bah, je fais aussi de la radio. Ah, et bah, on a passé les 3 autres heures qui restaient à parler de radio, quoi. Et ça passe très vite, du coup, le voyage. Non, mais voilà, c'est vraiment un sujet de conversation qui peut être très sympa, quoi. Bon, alors, s'il y avait une anecdote à retenir de ton passage à Fadjet, ce serait laquelle ? Quand je suis venu apporter le projet de site internet pour la radio, ouais. On m'a regardé avec des gros yeux aussi. À l'époque, la directrice ne savait même pas utiliser Minitel. Voilà, voilà la petite anecdote. Excellent. Bon, ben, merci beaucoup, Francis, pour ton témoignage. Fadjet, les bonnes ondes nancéennes. I can't sleep another night till your loneliness meets mine. And you say Fadjet, 40 ans de musique, d'actu locale et de bonne humeur. De la bonne humeur, on va en avoir, je pense, ici, pour cette prochaine heure d'antenne. Nous sommes en live, on vous le rappelle, jusqu'à demain midi, 18e heure de live qui démarre aujourd'hui, donc depuis hier 20h. Des bénévoles, des partenaires aussi hier soir, donc se sont relayés pour tenir l'antenne, même cette nuit, il y avait plein d'émissions. Il y a un live Facebook également, donc si vous allez sur les réseaux sociaux, vous pourrez même voir les émissions de nuit, les réécouter, et ainsi de suite, et nous suivre aussi en live, bien sûr, 94.2 FM sur Fadjet.net, en DAB+, et sur l'appli Radio Player. Avec nous, jusqu'à 13h30 environ, des partenaires et un ancien. Excuse-moi, déjà hier soir, j'ai vexé des gens en disant les anciens. Mais je suis pas vexé, mais je suis ancien, c'est vrai. T'es ancien. Il a quelques cheveux blancs. Voilà, plus jeune que la radio. Oui, plus jeune que la radio, mais ça ne saurait tarder que j'atteigne la même. Mais tu vas pas la rattraper. Tu peux pas. Non, techniquement non. Techniquement non. Florent, que vous entendez, que vous avez sûrement déjà entendu sur Fadjet. Florent, t'étais là quoi, il y a 10 ans? Ouais, 10 ans. Bah, de toute façon, j'ai chapeauté l'organisation des 30 ans. C'est pour ça que ça fait une des claque. Des fameuses 30 heures ouais, aussi qu'on avait heures. Fait pour les 30 ans. Donc c'était forcément il y a 10 ans. Et puis c'était un peu encore en amont, puisqu'il y avait le lancement du 13 en forme comme émission. Il y avait menu étudiant. Donc oui, une bonne dizaine d'années jusqu'à 10 ans. Ouais, on va revenir un peu sur ce parcours. En plus, il y a un petit point commun avec nos invités du jour. Il y a eu des collaborations également. On accueille Thibaut Roland, bonjour. Bonjour. Directeur et programmateur du Nancy Jazz Pulsation. Tout à fait. Partenaire aussi historique presque. Tu nous diras depuis combien de temps, Fabienne? J'en suis pas sûre, mais ça fait très très longtemps. Voilà, exactement, comme ça. Comme ça, mais voilà, quand on aime, il n'y a pas d'âge. Hein, mais oui, c'est pas, c'est partenariat. C'est nos limites. Voilà. Nos limites. Nos limites. Noémie Janek avec nous aussi, responsable de la communication du NJP. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aussi. Avec plaisir. Alors, c'est vrai que, pour le coup, alors Noémie encore plus que Thibaut, mais vous êtes arrivé assez récemment au Nancy Jazz Pulsation, donc vous n'avez pas l'historique de tout ce qui s'est passé avec Fadjet. On a bossé, hein. Ben oui, vous avez révisé. Alors, vas-y, dis-nous, Thibaut. En quelle année a démarré le partenariat? Ouais, je posais la question il y a 5 minutes. Ouais, ouais. Il n'a pas la réponse. Voilà. Allez, on se dit 30 ans. Ah oh, oui, moi je pense que c'est oui, vraiment, vraiment. C'est presque au début du NJP. Enfin, Fadjet était aussi à vos côtés et inversement. Enfin, voilà. Oui, donc à partir des années 90, il y a déjà eu des liens, pas mal de. Ouais. Parce que Fadjet couvrait aussi beaucoup les festivals, donc il y avait forcément des petits partenariats. Mais c'est vrai que depuis plusieurs années, on a plein de choses. C'est-à-dire que on est partenaire des quartiers musique depuis quand même très longtemps. On en a parlé hier soir avec Roman Henry qui les pilote. Mmh. On a aussi les partenariats jeux. Hein, chaque année, on peut rendre la culture accessible aussi à tous. On fait gagner. Vous nous donnez plein de places à faire gagner à nos auditeurs. Donc ça, c'est super. Oui, Fabienne. L'émission délocalisée, surtout. Et voilà, j'allais y venir, à cette grande émission du dimanche. Alors juste déjà en introduction. Thibaut, pourquoi c'est important d'être là avec nous? Pourquoi pour ces 40 ans? Il me semble que c'est important d'être là pour fêter les anniversaires de nos amis. Donc voilà, on répond présent évidemment à votre invitation. Puis je trouve le concept vraiment chouette. Tu parlais des 30 heures il y a quelques minutes. Faire 40 heures de radio, c'est aussi challengeant. Et puis on a aussi envie d'en faire partie, d'être à vos côtés tout simplement, et puis de raconter cette histoire, puisque c'est des histoires de relations humaines qui commencent, puis qui finalement, moi je suis là que depuis 2019. Enfin, ça fait déjà en fait 6 ans, oui. mais le temps passe vite. Non, mais quelque part je ne fais que répéter cet héritage que vous aviez construit, j'imagine, avec Patrick. Patrick Kader peut-être à l'époque, ou avec la personne qui s'occupait de la communication. Et voilà, donc c'est normal pour nous d'être là, et c'était aussi une manière de vous présenter Noémie qui est là depuis moins d'un an finalement. Mmh. Et puis ça me permet aussi de faire découvrir à mon ami de 11 ans Naël ce que c'est que les contours d'une radio associative, et de ce qui est chouette, c'est de voir tous ces visages là qu'il y a dehors, en dehors de la cabine. Il y a plein de monde partout dans la maison. Voilà, ça, on sent que ça fourmille, et on sent que c'est aussi des lieux de vie C'est pas que dans les oreilles, c'est aussi dans, dans ces locaux-là. Vous étiez pas, j'ai révisé en bas, j'ai fait le quiz. Le petit quiz. Et du coup, voilà, vous n'étiez pas loin, mais, mais voilà, finalement, vous avez toujours été implanté dans ce quartier aussi. Donc, il y a un lien de territoire important et c'est pour ça que vous nous suivez sur les quartiers musique. Bien sûr. Et puis, comme vous le disiez, il y a ce clou du spectacle qui a lieu chaque année à la Pépinière en fête, notre grand événement gratuit au milieu du festival où on ouvre le chapiteau, le Magic, et le parc qui est habité de concerts de en tout genre, et puis il y a même Campagne Art en même temps. Et donc à chaque fois, chaque année, depuis... Bah, là, je crois que ça fait moins de 30 ans pour le coup qu'on fait ça. Ça fait peut-être 5 ans, 6 ans, non, peut-être 10 ans, allez, on va dire. Ah, moi, je pense qu'on n'est pas loin de 10 ans quand même. 10 ans, ouais. Où on accueille quasi toutes les radios associatives de la ville. Donc, je vais me lancer, mais Campus Graffiti, Fagette, et voilà, RCF... Déclic aussi. RCN, RCN et Déclic. Ouais, pour faire ces 3-4 heures de live sur le dimanche après-midi. Depuis, donc il y a un studio mobile installé au chapiteau et avec voilà, les artistes, les bénévoles. En fait, vous installez dans notre restaurant habituel qu'on n'ouvre pas le dimanche puisque évidemment c'est une autre activité que les concerts du soir. Et donc c'est génial à chaque fois de même d'avoir ce plateau décentralisé pour qu'on apprenne nous-mêmes des choses sur les artistes qu'on accueille puisqu'on les, on connaît pas forcément leur bio par cœur. Et puis ça peut être aussi un marchepied pour des jeunes ou moins jeunes, mais en tout cas des gens qui débutent dans la radio, qui posent des questions. J'en ai moi-même fait les frais hein, quelque part. Des fois, c'était pas de chez vous, c'était pas de votre radio. Mais non, c'est intéressant. C'était intéressant pour ça aussi parce que nos métiers font qu'on essaie de transmettre, d'inspirer aussi plein de gens et voilà, c'est ça notre point commun, hormis évidemment notre amour de la musique commun. Non, puis tu parlais de lien social, c'est ça aussi, c'est aussi ce rassemblement de plein de radios, des collègues qui travaillent ensemble, les artistes sur place avec les bénévoles du NJP, enfin ça crée aussi comme ça une petite effervescence sur un lieu du chapiteau. Mais moi je me rappelle, hein, c'était pendant l'édition Covid de 2020, donc on n'avait pas fait PEP en fête, on avait fait parc en fête, puisque du coup on ne devait pas rassembler trop de gens au même endroit, donc on avait fait plein de parcs, et je me souviens me balader en bagnole entre les lieux, Et écouter en fait l'émission qui était en direct sur toutes ces radios-là impliquées et apprendre moi-même pas mal d'anecdotes sur NJP en fait et le début du Magic Mirrors par exemple qui est devenu un lieu emblématique qu'on ne pourrait pas enlever du festival. Et qui aujourd'hui est plutôt dédié à, qui pour moi est le meilleur club de France pendant 10 jours. Je dis souvent ça parce que il y a des lives, il y a des DJ, il y a une super ambiance, très chaleureux, c'est assez particulier. Mais du coup, d'apprendre à travers l'une des radios ce jour-là, dont Fagette, que du coup c'était un lieu de bœuf, c'est-à-dire de jam, c'est-à-dire que les musiciens du chapiteau ils descendaient au Magic Mirror après leur concert et qu'il y avait cette émulsion. Et puis c'était né aussi émulation plutôt qu'émulsion d'ailleurs. Même si on pourrait cuisiner, hein. Mais sur ça a dû arriver. Moi, c'est un peu de la cuisine aussi, hein, la radio. Et puis les quartiers musique, puisque le Magic Mirrors, en fait, il est né quasiment en même temps que les quartiers musique, c'est-à-dire il y a 30 ans. On a fêté les 30 ans des quartiers musique que vous accompagnez avec Fagette. Voilà, bah, peut-être c'était ça votre début de collab, en fait, Fabienne. Non les quartiers, pas sûr. C'était pas au départ les quartiers musique. Moi, j'ai le souvenir. Moi, j'ai repris la direction en 2008 et je crois qu'on l'a construit quelques années après, c'est-à-dire. Et vraiment parce que ça nous tenait à cœur, c'est vraiment le projet de Fagette. C'est aussi permettre à des jeunes voilà, d'accéder à la culture, de donner la parole à ces jeunes et de relater un peu les projets autour de ce qui se passe sur les quartiers. Et NJP, les quartiers musique, c'est vraiment très symbolique aussi de 40 ce ans, boulot hein, ça grince. De parole. C'est Aurélie qui fait grincer son micro et tout le monde rigole dans le studio. J'explique aux auditeurs. Voilà. Ça rend visible aussi cette action-là. Ouais, exactement. Et je suis très fier d'être qu'on soit partenaire un petit peu. Et puis nous, vous êtes précieux pour ça parce que c'est vrai qu'on fait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui sont pas forcément visibles avec le festival. Les gens, ils savent qu'il y a la pépinière, voilà, qu'il y a le chapiteau, le Magic, mais ils voient pas du tout les 13 000 personnes qui sont touchées à l'année par la quantité d'activités sociales et culturelles qu'on propose et dont vous êtes partenaire sur le dispositif des quartiers musique. Et donc voilà, c'est chouette d'avoir un partenaire parce que on n'en a pas d'autres pour les autres actions finalement qui elles sont assez invisibles mais je préférerais peut-être laisser la parole à Noémie. Après l'objectif ça serait maintenant pour à construire dans les années à venir que Fadjet soit le partenaire officiel du NJP, mais on en rediscutera autour d'un café après. Mais exactement. Je ne sais pas si France Bleu serait d'accord. Bon, on a déjà essayé, hein. On a déjà essayé, mais oui, exactement. Je crois que là, il y a voilà. Un petit souci. Mais Noémie, ça a progressé. La visibilité aussi des radios associatives sur ce genre de festival, oui. Ça c'est important à le souligner, c'est qu'il y a quelques années, on avait des partenariats, mais on n'avait pas la possibilité de mettre de communication, il y avait un partenaire officiel. Et aujourd'hui, je trouve qu'il y a une reconnaissance aussi du boulot fait par les radios associatives en ce sens-là, quoi. Un petit peu plus de com. Oui, en termes de com. Ouais. mais ça ne peut que progresser encore, oui, certes. Oui. Mais c'est vrai qu'on le disait, enfin, c'est toujours des liens, enfin, c'est mettre le réseau en place. On communique sur effectivement des actions qui ne sont pas trop visibles du grand public et on a aussi droit de la communication. Donc Noémie, là, on a bien vu, ça s'est intensifié aussi. Là, toi, tu as vécu ta première édition de NJP là, à l'automne. Cette première grande émission aussi, comment ça s'est passé, comment ça s'est organisé? Je ne sais pas si tu avais déjà vécu ça, justement. Absolument pas. Moi, du coup, je ne viens pas du tout du milieu de la culture. Donc, en plus, c'est quand même un festival titanesque, dans le sens où on a 150 concerts sur 15 jours. Donc, je m'attendais à... Enfin, je ne savais pas du tout ce que j'allais avoir comme expérience et comme retour. Mais en fait, c'était fantastique. Pour le coup, humainement, c'est tellement riche. Enfin, tous ces artistes, tous les partenaires qu'on rencontre, toutes les actions qu'on doit faire tous les jours. C'est vraiment incroyable. Après, c'est sûr que la fatigue se cumule et je me suis réécoutée justement sur Pulsasso. Je me suis, j'étais peut-être plus très très à jour à ce moment-là. Oui, parce que c'est en plein milieu du festival, donc c'est vrai qu'il y a déjà une semaine derrière. C'est plus compliqué. C'est ça. Et vraiment tout le long, je répète, c'est vrai que je suis un peu fatiguée, mais c'était vraiment très chouette et c'est une expérience exceptionnelle. Je me sens vraiment chanceuse, d'avoir vécu ça et en plus. Avec tous nos partenaires, avec tout ce qu'on peut créer ensemble, c'est vraiment fantastique. Et c'est vraiment ça, je trouve. C'est ensemble, on est vraiment plus fort. C'est de l'échange aussi de communication dans le contexte actuel aussi. On essaye aussi de. C'est super important ces partenariats-là parce que il y a pas forcément les moyens financiers derrière, mais en même temps, chacun s'y retrouve dans l'échange proposé. Et je crois que ça, c'est vraiment aussi des pistes à développer pour les acteurs locaux, culturels. Dans les années à venir, c'est... Mais c'est aussi rendu possible parce que les gens comptent pas leur temps, que vous avez une force associative importante, que nous en sommes aussi une d'association, le festival, et je pense que c'est la base, en fait. C'est que vous avez pas des récup' à faire parce qu'il serait là le dimanche. Enfin, des calculs... Alors on va récupérer un petit peu de ce week-end. Oui, alors ça, je vous le souhaite. Mais je veux dire, c'est aussi parce qu'il y a un engagement. Il y a un engagement. C'est plutôt ça que je voulais dire. Oui, mais... tout à fait. On va récupérer. Pourquoi tu rigoles, Florent? Ouais, je rigole parce que. Tu repenses à tes 30 heures. Oui, je pense que j'ai pas encore. Tu n'as toujours pas récupéré, c'est ça? C'est ça, ils sont toujours derrière moi, là. Ils sont toujours. Tu viendras me voir tout à l'heure. Alors, non, Florent, que... justement aussi, là, on parlait. Toi, tu as fait les premières éditions aussi d'émissions spéciales avec le NJP à l'époque. Et là, c'était pas le dimanche. Bah, non, c'est sûr, c'était pas le dimanche parce que je me revois, c'était un samedi soir. Il y avait Debout sur le Zinc comme groupe qui se produisait ce soir-là. Et effectivement, on avait déjà mis uni nos forces avec les radio du coin, donc on les a cités tout à l'heure, et c'était effectivement super sympa de voir un petit peu au cœur du festival, puisque bon, on dit souvent que la cuisine c'est le cœur de la maison, bah nous on était à côté et on avait l'impression aussi d'être le cœur du festival parce que les gens venaient, on faisait les interviews des artistes, mais pas que, des bénévoles, de l'organisation. Toi tu vas revenir cette année, toi. Mais moi je veux bien, je demande que ça. Et donc c'était très chouette ces premières éditions, mais c'est vrai que moi dans mon souvenir c'était le samedi soir. D'accord. Ok. Tu te vois pas lever le dimanche à 14h? Le dimanche à 14h, sûr que non. Non. C'est Florent. Voilà. Mais je suis plutôt du soir, moi, que du matin. Ouais. Et t'avais dû négocier ça, que ça se passe le soir. Ouais, c'est ça. Ben, je sais pas, mais ça s'était bien passé, en tout cas. Oui, tout à fait. Et j'ai aussi un autre souvenir par rapport au NJP, c'est qu'on recevait aussi des groupes en live, nous, pour l'émission, par exemple, du 13 en forme, à l'époque. On avait reçu des groupes de Strasbourg qui se sont produits en live, donc sur des sessions semi-acoustiques. Donc, il y avait aussi des échanges culturels qui se font par le biais de la radio, quoi. Ouais, ça serait chouette qu'on le refasse, d'ailleurs, parce qu'en soi, ça... C'est pas très compliqué à monter, et avec des groupes régionaux, en plus, c'est d'autant plus simple. Et d'autant plus que le groupe se produisait le soir, ils étaient venus le midi, ouais, donc un petit aperçu pour les auditeurs, ça donne envie aux gens de venir voir le spectacle le soir. Eux, ça leur fait une petite couverture un peu sympathique aussi, vraiment, je pense que c'est... une opération c'est à renouveler. Gagnant-gagnant, comme on dit. Exactement, win-win. Voilà. Exactement. Merci Florent pour ces partenariats que tu remets en place malgré toi. Tu vois, ça revient vite. Voilà, on va rester sur tes souvenirs et voilà, remémore-toi encore un petit peu toute cette période ici. Déjà, comment t'es arrivé à Fadjet et pourquoi t'y es resté? Parce que t'es resté quand même un petit bout de temps. Bah, si j'y suis resté, c'est que j'y étais bien déjà. On m'a obligé. Ouais, non, j'étais pas séquestré, rassurez-vous. C'est encore un rapport avec la musique en fait, parce que je faisais de la musique avec un groupe à l'époque et on est venu se produire là parce que justement Fadjet donne la chance à des groupes locaux aussi de pouvoir se mettre en avant, de vivre des sessions semi-acoustiques, de faire de la radio, de mettre en avant des événements. Et donc c'est à ce titre-là que moi j'ai mis les pieds à Fadjet pour la première fois et visiblement ça s'est bien passé. On avait un bon feeling. Et du coup on a mis en place d'autres émissions. Puis finalement j'ai été recruté comme salarié pour poursuivre le menu étudiant. Tu as organisé longtemps un festival aussi. Ouais. Et c'était ce lien-là, notamment à l'approche des 30 ans, ce profil aussi un peu organisateur pour organiser les événements. C'est parce comme ça qu'on s'est rencontrés en fait. C'est vrai. Et qu'on a discuté d'un éventuel avenir à Fadjet. Sur les 30 ans, il y avait ces fameuses 30 heures, mais pas que, parce que sur ces 30 ans, on avait prévu, il y avait 3 événements sur l'année. Donc on avait fait un événement, je te laisse, t'en souviens ? Oui, je m'en souviens. Ça va, j'ai encore quelques points de mémoire. Il y en a un qui a été décalé malheureusement en 2016. Oui, mais bon, ça c'est rien. Ça, on a fait les 3 chiffres, événements. Ça n'a pas d'intérêt. L'intérêt, c'était par contre les 3 événements qui avaient 3 axes différents. Donc il y avait l'axe culturel, ça j'en parlerai tout à l'heure, parce qu'en fait Fadjet a aussi 3 axes. Il y a l'axe social, il y a l'axe culturel et il y a l'axe radio, tout simplement. Donc effectivement, les 30 heures de radio, c'était pour symboliser la radio, ça paraît assez logique. L'axe culturel, on avait organisé un événement sur le parvis de la MJC Pichon avec des groupes de musique, avec d'autres partenaires également. Je crois que c'est le département qui nous avait permis de faire venir des groupes, notamment d'Allemagne. Et puis le tout premier événement qu'on a organisé, c'était vraiment le volet social, donc avec un grand débat, toujours à la MJC Pichon, on a utilisé leur salle. Alors, je saurais plus vous retrouver les thématiques qui ont été c'était abordées. C'était une soirée un peu jeunes. Débat théâtre avec des petites scénettes d'improvisation, puis derrière sur la jeunesse, et puis des petits débats avec l'interaction avec le public. Il y avait un grand événement sur le parvis. Qui était prévu en novembre, malheureusement, donc il y a eu les attentats du Bataclan, tous vrai, les événements pas cité, celui-ci. Ont été annulés et on l'a décalé à juin 2016. Mais oui, c'est pour ça. Voilà. Ça me revient, je me revois pédaler sur un vélo mixeur. Solidarité. Devant la cathédrale. Solidarité, ça s'appelait. C'est joli. Ça. Voilà. C'est joli. On avait été bons sur la com. Et c'était tous nos partenaires associatifs qui œuvrent dans le domaine de et la on était sur le parvis de la cathédrale avec plein de belles mixités, plein d'animations, plein d'activités. Et c'était le week-end des 30 heures. On avait clôturé. On a fait les 30 heures du vendredi, on a clôturé les 30 heures, je me remémore en même temps, à 17h. Et 17h, c'était le lancement de l'événement sur le parvis de la cathédrale. Voilà. Ouais. Avec une bonne quinzaine de stands. C'était pire que pour les 40 ans, hein. C'est rien 40 heures de direct. Là. On n'a pas un gros événement après. Vous n'avez pas le gros événement après, mais vous avez quand même 10 heures de live à faire en plus. Un petit peu plus. Ça fatigue son organisme également. Ouais. Alors, vas-y Fabien. Non, mais je t'en prie. Très bien. Florent, juste, moi, j'aimerais que tu... On est revenu un peu sur tout ton parcours. Donc, on le disait tout à l'heure, très enfant, menu étudiant, t'as fait plein de choses. C'est la question qu'on pose un peu à tous les anciens ici. Arrête de sourire quand je dis ancien. T'es pas vieux. C'est parce qu'il faut que je m'y habitue, donc je le prends avec le sourire. chaque année qui va passer, va falloir s'y habituer encore plus. C'est sûr. Mais oui. Mais qu'est-ce que concrètement, dans ton parcours de vie professionnelle, personnelle, qu'est-ce que Fadjet t'a apporté? Est-ce que, on a eu plein de témoignages déjà hier soir. Alors, je vais être tout à fait honnête avec toi. Rien. J'ai un peu triché. si, bien sûr que si. J'ai un peu triché parce que comme j'écoutais Fadjet, je savais que t'allais poser cette question. Donc, j'ai un peu réfléchi à l'avance. En fait, j'ai plutôt deux adjectifs qui me viennent à l'esprit parce qu'il y a quelqu'un qui a cité la bienveillance et ça, c'est quand même vraiment intrinsèque à Fadjet. On est là pour pousser les gens à essayer de se lancer, à prendre confiance en eux. Donc ça, c'est quelque chose dont j'ai bénéficié également. Je suis pas sûr que cette phrase soit correcte, mais vous aurez compris le concept. Si, elle me paraît tout compris. Et puis la deuxième chose, c'est la liberté, parce que en fait, quand vous arrivez à Fadjet, en plus moi j'étais salarié, donc on m'a donné les clés, on m'a dit maintenant fais les émissions pour les gens. Et on part de rien, on part d'une feuille, d'un stylo, un conducteur, et puis on prend les sensibilités de chacun et on les lance. J'ai entendu Élise Janel qui disait Il m'a dit, parce qu'à l'époque, elle est venue faire sa première chronique, ça devait être dans le 13 en forme ou dans le 13 étudiant. Et Juliette aussi, on a parlé. Il y avait Juliette également. Et elle racontait que je leur ai simplement dit, vas-y, fais une chronique, c'est parti. Voilà. Bah oui, il n'y avait rien de plus compliqué, en fait. Vas-y, rendez-vous dans une heure en studio. Bah ouais, le plus compliqué, c'est de se lancer. Alors, il y a peut-être quelques corrections, on est là pour épauler. Mais finalement, le but, c'est de donner confiance aux gens et de leur dire, allez-y, vous pouvez le faire, il n'y a rien d'extraordinaire, en fait. C'est un mot aussi qui est revenu assez régulièrement, c'est la confiance. C'est aussi quelque chose qui permet aussi de se construire, d'apprendre et voilà, de décoller aussi pour certains. Grandir, de s'épanouir sur plein d'aspects. Effectivement, c'est tous les témoignages qu'on a depuis le début où c'est souvent un passage ici qui a marqué en tout cas un parcours de vie perso ou pro. Hier soir, on avait, que ce soit ceux qui sont devenus professionnels et qui ont pu aussi le devenir grâce à leur passage à Fadjet, ou des parcours plus personnels. Cécile qui disait, elle faisait une émission musicale ici, ils ont accueilli un groupe un jour, il y a eu un coup de foudre avec un membre du groupe, c'est le père de ses trois enfants, ça fait 10 ans. Il y a des belles histoires aussi, oui, bien sûr. Voilà, c'est Cécile qui nous racontait ça. De belles rencontres. Alors, c'est bientôt, malheureusement, la fin. Est-ce que vous auriez un petit message d'anniversaire ou pour l'avenir de Fadjet? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à Fadjet pour ses 40 ans? Noémie? Eh bien, je peux ouvrir le bal. Effectivement, moi, j'ai envie de... Enfin, suite à cette anecdote, j'ai envie de dire continuer à ouvrir des portes, à donner confiance à des gens. Je trouve ça vraiment exceptionnel. Donc, vraiment, bravo et merci pour tout ce que vous faites. Merci. Oui, c'est vrai que quand on y réfléchit, le nombre de personnes qui ont été boostées un peu par l'effet Fadjet, parce que là on donne des chiffres, on est sur 40 ans, 150 bénévoles, mais 150 bénévoles fois 40 ans, des milliers, c'est énormissime en fait. Des milliers de gens qui sont passés par Fadjet. Donc bravo pour la confiance qui est apportée aux bénévoles et aux gens qui passent par Fadjet, et surtout continuez. Merci Florent. Thibaut. Longue vie à Fadjet, voilà, et longue vie aux radios associatives. Moi-même j'ai pu connaître ça lorsque j'habitais à Reims à l'époque, j'avais mon émission et j'adore ça. Je trouve que le média radio il est génial parce que il y a ce côté, bon maintenant tout est filmé, mais il y a quand même un côté où on est vraiment sur l'attention de la voix et de ce qui se dit, plus que sur les visages, les tenues, etc., ce qu'on peut retrouver plutôt à la télé ou sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Et je trouve que on voit bien la puissance que d'autres radios nationales peuvent avoir sur l'opinion publique, dans le bon ou dans le moins bon, et pas pour rien qu'ils se sont tous fait jeter chez Inter d'ailleurs. Et du coup, c'est chouette que en local. D'ailleurs, moi, je tenais à dire que Fadjet, c'est aussi fait partie de toutes ces. Enfin, moi, je suis halluciné du nombre de radios associatives du. Désolé, c'est pas une punchline de fin, du coup, mais tant pis. Mais voilà, il y a un truc. À Reims, il y en avait une. Ici, j'arrive, il y en a 7 ou 6, je sais plus exactement. Et c'est magnifique, ça. Mmh. C'est super. Et donc, je sais que c'est un contexte particulier pour tout le monde en ce moment, aussi bien politique que financier. Mais justement, on a besoin de ces espaces de liberté, de liens, de marche-pied pour les, enfin, de confiance, qui donne la confiance en soi et qui crée des vocations, voire qui crée des familles. Donc voilà, continuez, c'est super, bravo. Et puis, enfin, en plus, je trouve que vous êtes deux, j'ai pas la chance de connaître forcément toute l'équipe, mais vous êtes deux belles ambassadrices aussi de votre radio, et il y a une belle énergie en fait, et c'est aussi ça qui nous a donné envie d'être présents aujourd'hui, parce que vous défendez à fond le truc avec toujours la même passion, et je crois que dans nos métiers qu'ils soient plutôt à tendance disons culturelle, c'est vraiment nécessaire, c'est vraiment le moteur. On essaye en tout cas, mais en tout cas un grand merci, c'est vraiment, ça nous fait chaud au cœur d'avoir ce retour là. Oui. Donc longue vie au NJP aussi. Longue vie au NJP, au partenariat entre en stéréo. Au partenariat entre le NJP et Fadjet. Voilà, c'est comme ça qu'on va construire des choses sur le long terme. Voilà, ensemble, on va plus loin. Voilà. Merci beaucoup. Juste dire un grand merci à Florent, parce que vous le savez peut-être pas, mais aujourd'hui, Florent, il est électricien. Et c'est grâce à lui qu'on a de la lumière. Ça, c'est parce qu'on a eu un problème de... Non, mais c'est les petites anecdotes. La veille des 40 heures, plus de lumière dans les étages. Qui on appelle Florent, et il débarque en urgence. Génial, ça, ça c'est aussi la solidarité Fadjet, c'est pas que de la radio. Exactement. Un grand merci en tout cas Thibaut Roland, directeur du Nancy Jazz Pulsation, Noémie Janek, également responsable de la communication. Merci Florent, tu restes avec nous? Ben moi, si je peux rester, je reste. En fait, je te sens tellement bien installé là pour la suite. Je crois que ce siège-là, je l'avais à l'époque. Oui, on va poursuivre. Il y a Nico, on a des invités qui vont venir juste après. Moi, je te laisse la place, Aurélie. Ben, très bien, Fabienne. Hein, ouais, j'ai été ravie vraiment de refaire de l'antenne. De refaire de l'antenne, ça faisait trop longtemps que j'en avais pas fait. Oui, je me demandais si t'en faisais encore. Ben, depuis très longtemps, pas. Mais peut-être que ça va. Voilà. Ça, c'est le comble. Elle reprend un peu. Allez, on va poursuivre cette 18e heure de live. On vous le rappelle, 40 heures jusqu'à demain dimanche midi. On va écouter Naman tout de suite et on se retrouve en direct sur Fadjet. C'était le choix de Florent, hein, Naman. C'est un hommage à un artiste qui lui n'aura pas atteint les 40 ans parce qu'il nous a quitté hier, mais qui est toujours quelqu'un de positif, et de positif et qui a toujours su insuffler des choses positives. Alors on va essayer de faire en sorte que ça soit toujours le cas. Très bien. Naman sur Fadjet, restez avec nous. Nous sommes en direct jusqu'à demain midi et il y a encore des invités qui arrivent là jusqu'à 14h. Hello. Si vous aimez le punk, le trip-hop, le métal, retrouvez-nous les lundis de 22h à 23h dans Opus Rock, l'émission de tous les styles de rock, avec des chroniques, des infos, des interviews et des lives. Lundi 22h, 23h, Opus Rock. Fadjet, 40 ans de souvenirs partagés. Burning hard and them just can't put it off. Police brutality worldwide, violence only making it tough. Never civil surrender, that's why we're here. Together strong and unfear. Never civil surrender. Too many rebels trying to leave honorable. Aye, now we know the strength, we know the cost, we know the power. We know the way, we all gonna slowly take over. Not another time, not another day. Together we're saying what we wanna say. No more pressure, no pressure. We under no longer, no pressure, pressure. None can hype on no corner. Tell them the youth are gone with farmers. From one side to the other. Start a revolution. Start locally, make it global now. Start a revolution. Ooh, cause we are lucky. Oh my God, I am so lucky. Victorious, we shall be. Surrender. Devils come to rubber. 1985, 2025, Fadjet a 40 ans. Un véritable retour vers le futur, effectivement, avec ses 40 ans. Depuis hier soir, c'est l'effervescence totale à Fadjet. Il y a du monde depuis hier soir, 20h à l'antenne. Toute la nuit, il y a eu des gens qui sont venus ici, des anciens qui sont venus faire une heure ou deux heures d'antenne. On vous le rappelle, 40 heures de direct pour ces 40 ans de la radio. On est en direct jusqu'à demain midi. Et là, depuis midi également, eh bien, on a plein d'amis, des fidèles de Fadjet, des anciens également qui nous rejoignent, toutes les générations, là autour de la table, des amis également. Et puis, on disait retour vers le futur parce que je crois que nous avons un super retour vers le futur au téléphone. Ghislain, tu es avec nous ? Oui, bonjour. Bonjour Ghislain, Ghislain Pierrot, oui. Ancien responsable d'antenne, c'était quoi dans les années 90 ? C'était, oui, début 90 jusqu'à début 2000, complètement. Eh ben on va revenir un peu sur ce temps-là, parce que c'était effectivement les premières années de la radio. Je présente juste les différents invités qui sont avec nous en studio. Alors, on a Nico ou Swan ? Alors, Nico. Pour la carte d'identité, pour la radio, c'est Swan. Swan, qui est à Fadjet depuis combien de temps ? 20 ans, puisque je suis arrivé aux 20 ans. Je suis arrivé à l'anniversaire des 20 ans. On va revenir sur tout ce que tu as fait ici, des émissions. Maintenant, c'est de la matinale, mais 20 ans de radio ici. Je poursuis juste le petit tour. On a Vincent également, qui est un ami. Bonjour. Bonjour, un ami de Fadjet. Radio Canal Myrtille, c'est du côté de Baccarat. Mais il y a toujours eu ce lien aussi entre Fadjet et RCM. Bah oui, on vous suit d'une oreille attentive. Et puis. On est sur deux environnements différents. Vous êtes en ville, on est en milieu rural, mais on a le même objectif. Hein. Le lien social, ça reste toujours l'objectif premier, quoi. Voilà. On va y revenir également. Alors là, je disais, on va faire des chocs de génération. Hein. Abdelhakim, salut. Bonjour. Alors, toi, c'est très récent, Fadjet. Tu as fait ton stage de 3e la semaine dernière. C'est ça. Comment c'était ? J'ai passé un très bon moment. J'ai rencontré plein de gens. J'ai fait plein de choses très intéressantes. Ouais. Tu vas rester un peu ? Oui. Tu vas revenir en tant que bénévole ? Oui, c'est ça. Bah, tu vas nous raconter un petit peu ce que tu as fait pendant cette période-là. Avec nous également en studio, Samir est revenu. Ah oui, donc moi aussi j'ai commencé à la radio par un stage de 3e ou de 4e. Je crois à l'époque c'était la 4e et aujourd'hui c'est mon métier. Donc ça veut dire qu'un jour ça pourrait devenir ton métier. C'est incroyable quand même. Et c'était il y a combien de temps ? C'était il y a longtemps, j'ai même pas envie de le dire. Mais alors, depuis hier soir, on a lancé le hashtag « coup de vieux ». C'est ça. Fonctionne très bien parce que à chaque fois qu'on se remémore des choses, mais c'était il y a 15 ans, c'était il y a 20 ans, donc on a mis le hashtag coup de vieux. Je crois que on va faire un gimmick avec, on va faire un jingle. Ghislain toujours avec nous également. On va revenir sur cette période. Alors je sais pas avec Samir, vous êtes sur la même période. Alors Ghislain va pas être d'accord avec ça, mais c'est lui qui m'a tout appris. C'est-à-dire que quand je venais ici, je posais une question à Ghislain, il me le disait. J'étais quelqu'un qui assimilait beaucoup les choses et j'assimilais beaucoup. Et c'est vrai, tout le monde me le disait. J'étais quelqu'un comme ça. J'étais surtout un passionné. Quand t'es passionné par quelque chose, tu as envie d'apprendre. Et Ghislain, il a dû voir ça chez moi et il m'a aidé. Et quand je lui posais des questions sur la radio, sur des petits détails, il me le disait qu'une seule fois et c'était terminé, j'avais enregistré. Et c'était des petits détails. Avec le temps, je suis devenu un professionnel grâce à lui. On va y revenir, je crois que ça a été évoqué tout à l'heure. Mais Ghislain, alors c'était quoi Fadjet dans les années 90 ? Raconte-nous un petit peu. Fadjet, c'était une radio qui déjà avait le mérite d'exister depuis une dizaine d'années, mais qui était un petit peu dans tous les sens. Il y avait des gens qui venaient parler, qui mettaient des disques, et c'était un petit peu la porte ouverte pour tout le monde, et c'était très bien. Et moi, j'avais déjà eu une expérience de radio, puisque j'avais commencé en radio en 84 sur une radio de Pont-à-Mousson qui s'appelle Radioactivité. Et puis j'avais aussi fait mes armes sur des radios plutôt commerciales comme Énergie et Fun. Et puis après être parti pour une aventure aéronautique, je suis revenu sur Nancy. Et puis j'ai écouté la radio et je suis tombé sur Fadjet. Et en écoutant ce qui se passait, je me suis dit, mais il y a quand même des choses à faire. Il y a peut-être un petit peu de réorganisation à faire. Et donc je me suis présenté à l'antenne. À l'époque, il y avait David. Et puis j'ai commencé à lui expliquer, un peu comme j'ai fait à Samir, lui montrer le chemin, parce que c'est le chemin que je montre. Moi, les autres font tout le travail, moi je ne fais pas grand-chose en fait. Et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à faire de l'habillage d'antenne pour Fadjet. J'ai donné des conseils d'organisation, un petit peu plus de ponctualité, et puis de fil en aiguille, je suis arrivé au poste de directeur de l'antenne, parce que aussi c'était une passion. Et puis voilà, j'ai donné un petit coup professionnel à quelque chose qui avait déjà de l'existence, et moi je ne faisais que qu'entretenir la flamme. Et tout le monde effectivement était réceptif, et puis ça a permis justement de décoller et de donner ce côté et que j'entends depuis ce matin, parce que je vous écoute depuis ce matin, parce que maintenant il y a internet pour écouter tout ça, et j'entends tout le monde qui explique à ses souvenirs, et c'est vrai que c'est quelque chose de magnifique, parce que on entend des voix, j'ai entendu Marie-Claude tout à l'heure, Fabienne, Yves, Edith, donc c'est quelque chose qui est toujours présent, qui réunit. Donc le passage n'est qu'un passage peut-être dans cette radio-là, mais c'est quelque chose de très enrichissant. Et on le voit, on a plein d'archives. Alors pour ceux qui nous écoutent, on vous rappelle aussi que... Il y a des dossiers en bas, en tout cas au rez-de-chaussée, il y a les albums des années donc 80, 90, 2000. On a fait un petit diaporama sur écran géant aussi. Donc voilà, et donc à voir aussi pour le public, hein, n'oubliez pas, on est ouvert jusqu'à 20h, vous pouvez venir nous rencontrer, découvrir un petit quiz aussi sur la radio, des super goodies collector aussi à vous procurer, et puis vous pouvez assister aussi aux différents directs. Alors ça, c'est ce que tu disais là, Ghislain, c'est ce côté... Donc dans les années 90, il y a eu un petit changement avec une radio qui s'est un petit peu plus professionnalisée. Mmh. Mais c'était encore, il n'y avait pas autant de bénévoles qu'à l'époque, qu'aujourd'hui. Oh, il y avait quand même une quarantaine d'émissions, il y avait à peu près 100 personnes qui venaient par semaine, donc il fallait organiser tout ce petit monde, parce que moi j'étais vraiment dans la partie purement radio, à faire en sorte qu'à l'antenne, on ait un format, on ait quelque chose de discipliné, mais en partant dans un univers musical et puis de thématiques complètement éclectiques. Donc ce qui est toujours le cas, et je me rends compte que ça perdure. Et puis ce que je note, c'est ce côté français dans le nom des émissions. Voilà, il y a des choses que j'avais essayé d'instaurer, et je vois que finalement ça, c'est la continuité, même après 25 ans de d'absence, puisque ça fait 25 ans que je suis parti, c'est toujours présent. Voilà. Là, on ressort le hashtag coup de vieux. Alors moi, je ne suis pas un ancien, je suis un ancêtre. Attention, oui. C'est pas pareil. Bah après, voilà. À partir du moment, même si c'était la semaine dernière et qu'on est, voilà, on peut faire partie des anciens. Oui, mais ce qui est magique, c'est que c'est comme si je n'avais pas quitté cette famille, parce que cette famille, cette maison, parce que il y a de la vie dans ce périmètre très court là, de la rue Charles III, où il y a beaucoup de gens qui viennent, parce que la radio, c'est aussi quelque chose de magique. C'est ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est quelque chose d'inspirant qui permet de se révéler, qui permet d'apporter de l'émotion, de s'exprimer aussi dans en toute simplicité. Et pour ça, Fadjet a toujours eu cette force-là, et j'espère qu'elle le conservera toujours. Bon, on l'espère aussi. On se donne depuis hier soir des rendez-vous pour les 80 ans et les 80 heures de live. Donc voilà, on compte sur tous ceux qui sont mobilisés ce week-end et qui pourraient revenir aussi. Si je suis là, hein, on ne sait jamais, hein. Je viendrai, mais bon, c'est pas garanti. Voilà, on pense tous qu'on sera un petit peu moins en forme. C'est hashtag déambulateur, c'est ça. Voilà, et puis on installera dans l'escalier un fauteuil électrique pour être sûr que les gens puissent monter en studio, si on est encore là aussi. Sponsorisé par un monde. Alors on parle beaucoup de souvenirs, de tout ça. Swan, tu disais 20 ans, toi, ouais. de radio ici. Ouais. Comment t'es arrivé à Fadjet? J'ai poussé la porte. C'est-à-dire qu'un jour, je suis passé devant, j'ai dit, tiens, je ferais bien de la radio. Donc j'ai poussé la porte, on m'a dit, bonjour, vous avez une émission? Je fais, ouais, je voudrais faire de la radio. On m'a dit, ouais, il faut un concept d'émission. Je fais, ok, j'en ai un. C'est une radio, ça s'appellerait Fadjet part en live, où je passerai que des concerts. On m'a dit, viens faire une démo. J'ai fait une démo, et puis, voilà, 20 ans après, j'y suis encore. tu pousses la porte depuis 20 ans. Voilà. Après, j'ai été embauché aussi, un peu ici. Oui, tu as eu un statut de salarié ici. J'ai fait même une formation grâce à Fadjet avec l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA, pour être animateur radio professionnel. Je n'ai pas poursuivi dans cette voie, puisque maintenant, je suis plus avec les personnes âgées, donc voilà, je fais de l'animation auprès de personnes âgées. Mais c'était une super expérience de faire cette formation. Et puis, grâce à Fadjet, je l'ai faite. Et donc, voilà. Vas-y. Détail, lors de la formation, on faisait des exercices pratiques, on les faisait dans les studios de RCM. Ouais. Incroyable, voilà. C'est vrai. Voilà. Donc, ouais. Comme quoi, hein. Comme quoi, On est proche. Le monde est court, le monde est petit. Alors on pose beaucoup la question à ceux qui sont là depuis un certain temps. Qu'est-ce que, est-ce qu'il y a un événement marquant? Qu'est-ce que Fadjet a apporté à ton parcours de vie, que ce soit pro ou professionnel, enfin ou personnel? Là, tu disais professionnel, même si ça n'a pas abouti. Mais est-ce que ça a changé des choses un peu de faire de la radio à Fadjet? Je savais en arrivant que j'avais une, comme je dis toujours, j'ai la logorée facile. Là, ça structure. J'ai structuré ça. C'est-à-dire que maintenant, j'arrive à parler et à savoir où je vais dans mon propos. Alors qu'avant, des fois, ça partait un peu dans tous les sens. Quand on fait une émission, voilà, ça s'organise, il faut tout préparer. Effectivement, le cerveau, au bout d'un moment, il prend les bons automatismes aussi. Tout à fait. Et donc après, Fadjet part en live, j'ai fait une émission qui s'appelait Bienvenue chez Swan, parce que je voulais passer autre chose que des morceaux live. J'arrivais pas à trouver tous les artistes en live. Et donc voilà, et donc c'était une émission plutôt de rock, mais pas que. Et voilà. Et la matinale, le vendredi, maintenant la matinale, parce que je fais d'autres activités associatives à côté, qui m'occupent beaucoup. Et donc, mais la radio, j'ai le virus, quoi. Mmh. Donc une fois par semaine, je fais la matinale. Vous pouvez m'entendre. Avec Davy, Jérôme, Isa. Avec Davy, Jérôme et Isa. Et ben, vous pourrez entendre Swan le vendredi matin. Il fait partie de l'équipe qui vous réveille. On le rappelle, à la matinale, c'est presque un peu plus de 25 personnes, des bénévoles qui se relaient chaque matin. Il y a une équipe différente chaque jour de 7h à 8h30. Ils viennent ici en direct, bénévolement, pour faire une heure et demie d'antenne avec de l'info et tout ça. Et donc un grand merci à toute l'équipe de la matinale aussi. Comment ? Je me lève à 5h45 le vendredi, gratuitement, bénévolement. On ne les oblige pas, ils viennent sans être payés, et sans être obligés, ils sont là à 6h30. Quand je dis que c'est une histoire de virus, c'est vraiment qu'on a envie de faire de la radio, parce que pour ça, elle fait à 5h45, bénévolement. Voilà, exactement. Et avec le sourire. Ah c'est sûr. Ouais. Alors, Vincent l'a évoqué rapidement, RCM, radio amie de Fadjet, radio Canal Myrtille, depuis longtemps. C'est quoi les souvenirs marquants? Est-ce que tu as des temps marquants entre les... Est-ce qu'il y a eu des collaborations? Avec Fadjet? Ouais. En fait, pas tant que ça. On fait partie de la coordination des radios associatives. Après, oui, Baccarat, c'est pas tout juste à côté. Nous, on est un peu centrés, on est tout au bout du territoire, on commence à toucher un peu les Vosges. Mais c'est pour ça, je me suis dit, tiens, c'est... allez, on va faire un petit coucou entre voisins. Et c'est marrant, toutes ces similitudes que j'entends, parce qu'il y a vraiment des similitudes... Nous, c'est une petite radio de village qui a grandi comme ça. Et je l'entendais, ce mot famille. C'est quelque chose qui revient. On l'entend beaucoup depuis hier. Bien sûr, parce que c'est virus aussi. C'est le bon virus, quoi. Alors, on commence comme ça. On parlait beaucoup de virus. À partir de 2020, on a évité de l'utiliser parce que ça crispait un peu les gens. Celui-là, c'est un très bon virus. Voilà. Celui-là, on ne peut pas le quitter, quoi. On peut pas le quitter. Et ces similitudes-là, on les retrouve aussi dans notre radio, puis dans les radios associatives en général, quoi. On y passe. Et même si on part, ça revient, on revient, c'est comme le vélo. On en a plein qui reviennent, qui font d'autres activités, parce qu'ici on a une centaine de bénévoles, mais pour la plupart c'est pas leur métier. Après ils vont, on disait la matinale, ils font la matinale, ils prennent un café, certains vont en cours, d'autres vont bosser, repartent chez eux, c'est plein d'activités professionnelles ou des études différentes. Et pourtant il y a ce côté en se disant, là j'ai plus le temps. Changement d'emploi du temps ou de boulot, mais à un moment donné, ça me manque. Ouais. Et beaucoup reviennent en disant, ça me manquait de faire de l'antenne, du micro, et ils reviennent. Donc c'est vraiment... Alors moi, j'ai une question, Abdelhakim. Oui. Une semaine de stage à Fadjet, est-ce que tu as le virus, t'as chopé le virus radio? Oui. Ouais. Qu'est-ce que t'as fait pendant cette semaine? J'ai fait une découverte musicale, donc c'est une petite émission de 5 minutes, où je parle d'un artiste pas très connu. J'ai fait ma playlist... Donc, quand on est stagiaire, on fait une playlist du stagiaire, on met plein de musiques qu'on aime bien, etc. Et entre certaines musiques, on parle un peu, tout ça. J'ai fait une émission avec un autre stagiaire qui était avec moi, parce qu'on était deux la semaine dernière. Donc, on a fait une émission sur les jeux vidéo, c'était très sympathique. Puis j'ai aussi participé, par exemple, tous les jours au 13 en forme, avec Valentin. J'ai participé au menu étudiant, et j'ai fait une fois la matinale. T'as eu une semaine sacrément chargée. C'est pas mal. Oui. C'est pas mal. Bonne semaine. Donc, t'as découvert plein de choses, plein de gens. L'ambiance aussi ici à Fadjet. Et tu nous disais tout à l'heure, t'as envie de proposer une émission, de poursuivre, de continuer à participer, de faire une petite chronique ici? Oui, continuer à participer, parce que j'ai envie de devenir journaliste. Donc, ok. J'aime beaucoup l'univers du journalisme, de la radio, tout ça. Eh bien, tu es le bienvenu, parce qu'il n'y a vraiment pas d'âge pour faire de la radio à Fadjet. Pendant longtemps, les plus jeunes étaient collégiens, ils avaient 12-13 ans, mais depuis un an et demi, on a un super projet avec les gamins du quartier Charles III. Donc, les plus jeunes qui font de l'antenne à Fadjet, ils ont 6-7 ans. Ouais. Et ils font des podcasts. Ils font des micro-trottoirs, ils font des chroniques, ils font leurs propres émissions, ils animent. Donc vraiment, il n'y a pas d'âge et tout le monde peut faire de la radio. En tout cas, c'est sûr, sur Fadjet, bah, Abdelhakim, on va suivre un petit peu. Puis tu vas pouvoir nous proposer un nouveau programme, ça va être bien. Commencer très jeune, Samir, ce que tu disais, toi, t'es arrivé super jeune. J'avais 12-13 ans aussi, j'étais au collège le mercredi après-midi. Après les cours, je venais ici, je faisais mon émission. Et voilà, et après, bah, j'en ai fait mon métier, mais c'est vrai que Fadjet, c'est aussi ça, c'est un tremplin, c'est une école. Moi, j'aime bien dire le mot école, c'est clairement une école de radio ici. J'ai appris tout ce que j'ai appris en radio, je l'ai appris ici. Les bases, elles viennent de là. Mais c'est effectivement, parce qu'il y a plein de gens qui viennent, qui juste la passion de la radio, c'est-à-dire ils sont là pendant 20 ans, mais ils n'en feront jamais leur métier. Mais on a aussi beaucoup d'étudiants en journalisme ou en radio qui viennent ici. Et, bah, hier soir, on avait des anciens. Et on le disait aussi, c'est que quelle que soit la radio que vous écoutez quasiment dans la région, il y a forcément quelqu'un qui est passé par Fadjet. Hier soir, on avait 5 invités. On avait une journaliste de Magnum, une journaliste de RCF, mais qui passe sur RCN, et de Déclic. Toutes bénévoles, stagiaires ou qui sont passées en tout cas par la radio. Mais il y a des gens, voilà, sur... Sur les RCM, il y a un lien aussi, tu vois, finalement. Effectivement. Marrant, donc, Fun Radio Lorraine, sur France Bleu, et même au-delà, hein, sur France Télévisions, sur Radio France. Il y a des gens qui sont passés, qui ont fait leurs armes ici à Fadjet, très jeunes, qui ont découvert aussi, qui ont chopé ce virus de la radio ici. Et c'est ça aussi, on fait de la radio un peu sans pression. Donc, ah ben, c'est ça. C'est vraiment... On apprend tout doucement, mais sûrement, puis il y a de l'encadrement aussi. Et moi, j'étais encadré, en tout cas. Je me souviens de l'époque, Ghislain, qui devait toujours être au téléphone. J'espère. Tu m'as rouspété plein de fois, Ghislain, on peut se le dire en direct. C'est normal, mais je savais que tu avais le potentiel au départ. Voilà. C'est aussi pour ça. Voilà. Quand on aime, tu sais, on châtie bien. C'est ça. Mais c'est quand même toi, effectivement, qui avait, comme Abdelhakim, en tête des projets, parce qu'il faut toujours avoir des projets dans la vie. Et si ces projets sont portés, eh bien, on ne peut que réussir. Voilà, c'est tout simple. En tout cas, je te remercierai jamais assez, Ghislain. Et encore une fois, je remercie Fadjet à l'infini, puisqu'aujourd'hui, c'est tout est grâce à Fadjet. Et je n'oublie pas d'où je viens. Ah ben, mon métier aussi, tu sais, celui que je fais actuellement, est aussi la continuité de ce que je faisais à Fadjet. Voilà, je suis toujours dans la programmation de format radio. Alors, c'est peut-être dans un autre monde, mais c'est le monde du commerce. Si vous allez dans un commerce, il y a de la musique, et forcément, il y a toujours quelqu'un derrière qui se charge de faire la programmation et les playlists. Voilà. Ouais. Donc, c'est un petit peu la finalité de ce que m'a apporté Fadjet. Voilà. Bah, j'allais vous demander pour conclure, parce que là, il nous reste quelques 5 minutes à peu près, que vous puissiez tous réfléchir à un petit message. Alors, soit voilà, un super souvenir, soit un message d'anniversaire ou pour l'avenir de Fadjet. Qui se lance ? Moi, je peux me lancer si Allez, vous voulez. Samir. Donc, moi, pour moi, Fadjet, il faut que ça continue. Il ne faut vraiment pas que ça s'arrête, puisque, comme on l'a dit autour de cette table, c'est un réel tremplin pour les jeunes qui veulent découvrir ce métier. Vraiment, comme je dis, c'est une école. Et j'aimerais que Fadjet fête ses 40 ans. Donc, joyeux anniversaire, Fadjet. Et j'espère qu'on fêtera les 50, les 60, les 70 ans de Fadjet, que c'est une radio qui continuera et qu'elle apportera beaucoup de bienveillance et pas mal de choses aux jeunes qui veulent se lancer. Alors après, je parle que des jeunes qui veulent se lancer, mais ça apporte tellement de choses aux plus âgés aussi. Ah ben, je fais une parenthèse, mais on a l'exemple, effectivement, il y a quelques années, Daniel, d'ailleurs, on a une pensée pour lui, qui nous a malheureusement quittés, mais il était assez très malade et il a toujours été passionné de radio. Il en avait fait jeune et c'était voilà, une de ses envies, se sachant malade, de pouvoir refaire de la radio. Il avait presque 80 ans et il est venu à Fadjet faire son émission, et c'était son plaisir aussi, pour voilà, son petit plaisir pour l'accompagner. Et il était vraiment, il n'y a pas d'âge, on le disait, pour faire de la radio. On peut découvrir ça à n'importe quel moment. Un petit message, Vincent ? Bah oui, évidemment, on est très heureux de voir les radios qui durent. On est bien placé aussi pour le savoir. 40 ans, c'est génial. Nous, on va faire nos 30 ans cette année. Et il se passe tellement de choses, ça brasse tellement de personnes, mais ouais, le mot, c'est liberté, quoi, évidemment. Liberté de ton, liberté d'expression, liberté dans les programmes, facilité de passer un message en direct. Enfin, c'est un média direct. Et c'est au quotidien, c'est un vrai plaisir, quoi. Donc, félicitations encore. Merci beaucoup. Swan ? Ben moi, je dirais que Fadjet aussi, c'est de la bienveillance. Parce que, comme je disais, j'ai poussé la porte et on m'a dit, bah ouais, pas de problème. Et ça, c'est pas partout que ça se fait, quoi. Donc, si vous voulez faire de la radio, bah, vous venez avec une idée de projet de radio, d'émission, voire même vous intégrer la matinale ou le 13 en forme. Et puis, c'est pas grave. La première fois, vous allez peut-être bafouiller, vous allez. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. C'est comme ça, moi, je prends toujours l'image. C'est comme quand on apprend à faire du vélo, on tombe un petit peu, puis à un moment donné, on trouve son équilibre. Mmh. Et on y va et on prend roule. Plaisir. Voilà. Et après, on fait des roues et tout ça. On fait du cross. On fait du wheeling. Voilà. Abdelhakim, un petit message pour Fadjet ? Eh ben, je suis très content d'avoir découvert Fadjet en recherchant mon stage et j'ai hâte de revenir et peut-être de continuer. Je suis encore là, 50 ans, 60 ans. J'espère. Eh ben, on a tous signé, on s'engage depuis hier pour les 80 ans. Okay, sachant cool. que tu es un des plus jeunes. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, pour toi, il y a une petite certitude supplémentaire pour que tu sois là pour les 80 ans. Nous, c'est un peu moins sûr. Ouais, mais c'est moins sûr. Ouais. Voilà. on sera pas sûr de faire les 80 ans. Et Ghislain ? Et pour conclure, bah, je dirais que Fadjet permette de continuer à révéler la richesse qui est en chacun de nous. C'est-à-dire que, voilà, Fadjet, c'est ce vecteur qui permet de propulser et de faire exploser et extraire la richesse que chacun a à son niveau. Voilà. C'est important pour moi, c'est important. Merci beaucoup Ghislain, merci à tous d'être venus et voilà d'avoir tenu à être là aussi pour célébrer ces 40 ans, merci à tous. On poursuit hein, ce live, on vous le rappelle, 40 heures de direct, on est en direct sur Fadjet donc jusqu'à demain midi. Là c'est là si on compte bien la 19e heure de live qui va démarrer dans un instant avec l'équipe d'Europe Enroll, donc c'est une équipe d'étudiants. Europe Enroll c'est un partenariat qu'on a avec le campus Sciences Po Nancy depuis plus de dix ans aussi aujourd'hui et ils nous font régulièrement donc toutes les semaines des émissions sur Fadjet et donc là ils vont prendre l'antenne pendant une heure. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain à 11h pour clôturer ces 40 heures. Bon, ça va être une heure plutôt sympa, ça va être un peu la fiesta, tous les bénévoles qui seront là et... C'est un marathon là pour toi, non ? Oui, je vais aller dormir entre-temps quand même. Hein, voilà. J'ai fait l'ouverture hier à 20h, mais je vais aller dormir d'ici demain à 11h. Et on a une belle surprise aussi concoctée par certains bénévoles. Donc, soyez au rendez-vous demain à 11h pour la clôture de ces 40 heures. Ça va être une heure plutôt sympathique à vivre. Et Europe Enroll, donc on va vous passer le relais. On va libérer le studio. Est-ce que... On est bon pour la suite ? Eh bien, très bonne journée. Plein de choses, hein, vous allez voir sur le site aussi pour la suite des programmes. 94.2 FM, Fadjet.net en DAB+, et sur l'appli Radio Player. Si vous voulez suivre ces 40 heures, la suite jusqu'à demain midi. Ciao ! Tous les mercredis, de 20h à 21h, bienvenue chez Swan. L'émission qui... Mais l'émission qui sait aussi se montrer plus... Et même parfois, une émission très... Bref, bienvenue chez Swan, tous les mercredis, de 20h à 21h.